Eh bien, bonsoir tout le monde. J'ai envie de vous dire bienvenue dans ce premier numéro de la rubrique Geek. Alors, on va vous présenter un petit peu le concept, mais avant ça, pour démarrer ce podcast, eh bien, j'ai très envie déjà de vous présenter les membres qui officieront à chaque fois avec moi et puis dès à présent, de les remercier d'avoir accepté de venir avec moi. Je demande bien... Quelle folie passagère a pu vous prendre, messieurs, pour accepter ce challenge énorme que de venir faire un podcast avec moi. Pour m'accompagner chaque mois, nous avons deux membres du collectif lescomics.fr, ce collectif mythique dont je suis parti malheureusement, mais je reste quand même très attaché à ce collectif. Et nous avons deux membres, deux reviewers qui m'accompagneront donc à chaque émission. Nous avons avec moi Spider-Matt. Spider-Matt, comment vas-tu, mon petit lapin ? Bonsoir, ça va très bien, bonsoir au chat. Et nous avons alors celui que j'appelle dans mon intimité ma mère de molle. c'est un petit peu, tu vois, le mec, je le traîne depuis un an et demi avec moi, depuis le top des comics, il refuse de me lâcher. C'est un peu comme le bouton qui pousse sur ton front le jour de ton mariage. Il est là, t'as les boules, mais tu devras faire avec. Dramoun, comment vas-tu, mon lapin ? Salut, je suis très content de participer pour pouvoir rendre hommage à Cerise. Et enfin, qu'elle puisse avoir être traitée à sa juste valeur ce soir. Cerise, ma petite chérie. Je suis très content, je vois qu'il y a un petit peu de monde sur le chat. C'est un vrai plaisir que vous soyez là, présent à ce rendez-vous. Alors maintenant, on va vous expliquer un petit peu le concept de la rubrique Geek, hein, très simplement. Ce qu'on a voulu faire, les gars, vous pouvez me couper à n'importe quel moment. La peine de mort est toujours à un moment donné possible si vous me coupez trop, mais vous pouvez me couper à n'importe quel moment pour intervenir. Le principe, on a envie de se retrouver tous les trois, le plus souvent possible, mensuellement, peut-être plus, peut-être des fois moins, suivant nos possibilités, de venir avec vous en direct et de vous parler à chaque fois de trois sujets geeks qui nous passionnent en ce moment et dont on a envie de parler ensemble et dont on a envie de parler avec vous. Et par sujet geek, j'ai envie de dire, on peut parler bien évidemment de comics, parce qu'on reste avant toute chose des amoureux des comics, bien évidemment, mais on peut parler de ciné, on peut parler de musique, on peut parler de séries, on peut parler de manga, on peut parler de tout un tas de trucs, on peut parler en fait de tout ce qui peut, ni plus ni moins, nous rapprocher. En deuxième partie, une fois qu'on aura passé ces trois petites chroniques, nous aurons à chaque fois un sujet du mois, un sujet plus important, et nous débattrons ensemble autour de ce sujet et avec vous dans le chat, pour que vous puissiez que ce soit une petite émission un petit peu interactive et que tout le monde puisse donner un petit peu son opinion. Voilà. Et on va essayer de faire ça le plus souvent possible. Le but, ça fait combien de temps maintenant que moi je suis sur YouTube ? Je crois que ça fait à peu près 2 ans, tout ça. J'ai pris un coup de vieux, hein. Ouf, on va pas se mentir, hein. J'ai plus le jeu de jambes d'antan, voilà. Et j'avais très envie en fait de faire une émission qui soit à la fois simple au niveau technique et à la fois une émission qui soit faite avec des copains, avec des amis, avec des gens que j'aime énormément pour pouvoir partager avec les gens qui ont la gentillesse, la faiblesse d'esprit aussi en même temps, vous êtes un peu con, de suivre un petit peu soit mes vidéos, soit ce podcast, tout ça, pour parler un petit peu de toutes ces passions qui font qu'on est réunis à chaque fois ensemble pour en parler. Voilà, messieurs, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir faire ce podcast ? Vous êtes complètement timbrés, les mecs. T'as ma femme en otage. Certes, mais elle est bien traitée. Ça me rassure. Je tiens à le dire, et elle sera libérée dès 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir venir avec moi ici ? Vous savez que c'est pas... Je laisse la parole à Spider-Matt. Hein ? Tu laisses la parole à Spider-Matt ? Ouais. J'avais une totale confiance en toi. Quand tu m'as dit, viens, on va bien rigoler. Je me suis dit, allons-y, on va rigoler. Écoute, on va essayer, hein. On va essayer. C'est pas... On va essayer de te faire rire, ma gueule, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire, quoi. J'ai confiance, j'ai confiance. Voilà, et après, que vous rajoutez de plus, c'est vraiment le plaisir de partager tous ensemble, avec bienveillance, avec simplicité, c'est vraiment ça qui nous anime, loin des petites guéguerres, des petits mots, de toutes les conneries qui peuvent éventuellement tourner sur Twitter, Facebook, tout ce qui est superflu. Nous, on veut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Partager la passion geek au sens large du terme de tout ce qu'on aime. Voilà. Alors après, si on doit vous faire une émission où un soir Dramoun vous parlera du tricot ou bien du macramé et moi du jardinage, et ben j'ai envie de dire tant pis. Voilà, vous devrez supporter ces petits sujets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le chat, les copains ? N'hésitez pas à poser des questions. J'essaye d'avoir un œil sur la caméra, un œil sur le conducteur, un œil sur le chat. N'hésitez pas. Salut tout le monde. Salut Laura TV, La Caverne du French Geek, Benny P Comics, Diaoul, les comics de Jérém, Ludo Verdose. Il y a trop de monde. C'est cool. Merci d'être venu. C'est super sympa. Skiz, mon poteau MMA. T'es un amour. Voilà. Que vous dire de plus ? Est-ce qu'on lance la première chronique, les gars ? Bon, on est parti. On est parti. Oui, parce que si on la lance pas en même temps, l'émission est finie. Donc. Ce serait court pour une première de la rubrique Geek. Alors déjà, je tiens quand même à dire un truc avant de commencer. Ça fait 48 heures que je me fais caca dessus à l'idée que la technique nous joue des tours. Je me disais, putain, si ça foire au moment où on appuie sur lancer la diffusion, on va passer pour des cons. Et ça n'a pas foiré. Donc, c'était notre hantise. Ah ouais, c'était ma hantise. C'était notre hantise. J'avais le palpitant, mais vraiment à 180, et je suis rassuré de voir que tout le monde est là et que ça fonctionne. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Et celui qui va commencer avec sa première chronique, eh ben, c'est moi. C'est moi qui vais ouvrir un petit peu le bal. Et j'ai envie de vous parler de ce comics qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, je crois, du côté de chez Panini Comics, dans la collection 100% Marvel, le Cosmic Ghost Rider. Donc, c'est au scénario, on retrouve Donny Cates. Si j'ai choisi ce comics, vous vous en doutez peut-être, c'est évidemment pour parler de Donny Cates, qui est un de mes chouchous en ce moment, que je suis énormément. Enfin, là, j'adore le travail qu'il est en train de faire sur Marvel. Et au dessin, on peut retrouver Dylan Burnett. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes sur ce nom de famille, Burnett ? Je ne suis pas sûr qu'il ait eu une scolarité facile en s'appelant Burnett. Mais bon, après. Si c'est un anglais, ça va. Burnett, éventuellement. Et donc, le Cosmic Ghost Rider, pour vous faire un petit pitch, je crois qu'il faut avoir lu, avant toute chose, Thanos Wins, qui devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 3 juillet en deluxe du côté de chez Panini Comics et qui devrait faire 26 euros. À moins qu'il y ait un petit changement de prix d'ici là, comme c'est si bien de faire Panini, mais logiquement, ça devrait rester à 26. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cette série, j'ai fait une petite vidéo dessus. Elle est absolument extraordinaire. Je trouve que Donny Cates a fait un travail absolument génial dessus. Et c'est dans cette série qu'il a créé, mis en avant ce personnage, le Cosmic Ghost Rider. Et on retrouve, en fait, dans cette mini-série, en 5 épisodes, ni plus ni moins, le Cosmic Ghost Rider. Alors, je ne vais pas vous dévoiler, comme Panini l'a fait, le nom qui est le Cosmic Ghost Rider, pour vous laisser éventuellement la surprise, si jamais vous n'avez pas encore lu Thanos Wins, et je vous conseille véritablement de le lire. Et voilà, ça raconte, ni plus ni moins, comment le Cosmic Ghost Rider... Bon, il n'est pas mort, hein, tant mieux pour lui, on est bien content. Et il va aller, en fait, dans le passé pour récupérer bébé Thanos. Voilà. Et il se dit qu'il va changer le futur, peut-être en tuant le bébé Thanos. Mais étant donné que bébé Thanos, bah, il est tout mimi dans son petit berceau, un peu tout vénère, et ben, finalement, il va l'adopter. Et c'est le Cosmic Ghost Rider qui va l'élever. Et alors, on ne va pas se mentir. Moi, ça m'aurait fait beaucoup rire d'avoir comme beau-père le Cosmic Ghost Rider. Mais... c'est pas forcément le mieux placé pour élever un enfant, hein. Voilà. Et donc ça va être une histoire complètement fofolle qui part un petit peu dans tous les sens. C'est burlesque, c'est un petit bonbon un petit peu acidulé, c'est très marrant, ça joue avec les codes de l'univers Marvel. Et voilà, c'est soit on aime soit on déteste, mais je trouve que c'est une petite parenthèse que s'est permis Donny Cates et que j'ai trouvé absolument rafraîchissante. Mais je sais que mes deux copains l'ont lu également et je vous passe la parole. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Cosmic Ghost Rider ? Tu vas en premier, Spider-Man, ou comme ouais. Tu veux. Vas-y. Ben, en fait, j'ai bien aimé Cosmic Ghost Rider. Le personnage était voilà, un peu barré, mais pas autant que Deadpool. Donc ça allait, ça restait mesuré. Mais vu ce qu'il avait fait Cates sur Thanos, je m'attendais vraiment à un truc pas exceptionnel, mais à un truc haut de gamme. Ouais. Et finalement, bah, il nous a pondu un scénario à la Terminator, hein, aller tourner dans le passé, tuer le méchant. Enfin, ouais. Terminator, c'est gentil, mais bon, voilà. Hein. Et du coup, bah, ouais, je suis un peu resté sur ma faim, parce qu'il y avait tellement de possibilités en fait, avec ce personnage. Et au final, il reste enfermé dans un truc déjà vu. Quoi, donc, ça reste bon, mais bon, c'est classique. C'est un peu le risque. C'est-à-dire que ça peut, moi, ça m'a fait penser un petit peu, et c'est un peu la crainte que j'ai aussi à l'avenir, c'est de tomber dans les travers, entre guillemets, de Deadpool. C'était qu'on se retrouve de nouveau avec un personnage complètement loufoque, dingo, qu'on va essorer, épuiser, on va tirer sur la corde à mort. Et j'ai eu un petit peu cette impression-là. Et en même temps, et ben ouais, je suis complètement rentré dedans. Et ces 5 épisodes que j'ai lus en 2-2, et ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, je trouvais ça sympa. Et il y a une autre pas du Deadpool, je crois, qui est en cours. Non, c'est pas du tout du Deadpool. Ça reste plus mesuré, plus reste sur... enfin, il est un peu sur le frein quand même. Donc, à voir ce que ça donnera par la suite. Par contre, je suis d'accord avec toi, sans dévoiler l'identité du Cosmic Ghost Rider, mais ce personnage, et c'est ça que j'apprécie tout particulièrement chez Donny Cates, c'est qu'il a cette faculté, je trouve, à oser des choses, à proposer. Il y va, et quand il y va à fond. Et je trouve que ce personnage, un Ghost Rider, ancien héros de Galactus, donc qui a investi aussi des pouvoirs cosmiques, en sachant en plus qui il est réellement, tu te dis, putain, ce personnage, il y a moyen de faire des trucs de fou avec ce type. Et c'est ça que je trouve génial. Et il y a une autre mini-série, si je te dis pas de bêtises, qui est en cours, qui est en train de sortir en VO. Et par contre, c'est pas Donny Cates qui est dessus. Et a priori, les premiers retours aussi sont très très bons. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Barmoon? Ben, moi, c'est une bonne lecture détente. Je me suis posé la question de en fait, pourquoi il est allé sur ce titre. Parce que, comme tu l'as dit, Donny Cates, c'est un peu devenu la pépite de Marvel en termes de scénariste. Il a récupéré énormément de projets. C'est un mec qui est complètement proactif entre Gardiens de la Galaxie, entre Thanos, entre Doctor Strange, entre Venom, enfin, toutes ces séries-là. Il est quand même super actif. En plus, il faut savoir qu'il fait quand même pas mal de travail en indé aussi. Donc, il n'y a pas que ces séries Marvel. Et on s'est rendu compte qu'il a quand même un sacré talent de scénariste. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il est allé sur le titre un peu pour donner un défi de faire autre chose? Est-ce que c'est Marvel qui lui a demandé d'aller sur le titre et qu'au final, ça a été un peu... il a peut-être cherché un peu quoi faire. Mais moi, je trouve le premier tome assez sympa. Hein, c'est une bonne lecture détente. Et je suis assez surpris de voir Donny Cates dans un registre comme celui-ci, quoi. On l'a vu sur des séries très, très sérieuses avec un vrai enjeu et un vrai. Qui laisse penser un impact en fait, sur l'univers Marvel, alors que là, bah, moins. Quoi. C'est vraiment, on sent vraiment que c'est une lecture plus détente. Quoi. Oh, voilà. C'est assez surprenant de le voir dessus. Quoi. Moi, après, je pense qu'il s'est peut-être autorisé, ou peut-être que c'était un boulot commandé, j'en sais rien, mais c'est un petit moment de respiration, tu vois, où j'ai l'impression qu'il a laissé libre cours à son imagination, à ses envies, à sa folie, et il s'est fait plaisir. Et là, par contre, si je dis pas de bêtises, Donny Cates, il est sur les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Et ça, voilà, c'est une série... j'ai très très envie de la découvrir une fois que ça sortira en VF, hein. Très très sincèrement. Ouais, franchement, sur Gardiens de la Galaxie, pour avoir lu les premiers numéros en VO, franchement, il a une super écriture. Moi personnellement, j'aime beaucoup, quoi. Ouais. Je me pose même la question de comment il va faire par la suite, parce que il fait tellement de séries, le mec il pourra pas tout faire, quoi. Il y a un moment, il va devoir, je pense qu'il va devoir sélectionner des séries, quoi. Il peut. Après, tu me diras, Bendis a bien fait ça. Hein. Bendis, il écrivait 50 séries en même temps. Donc, oui, avec pas forcément beaucoup de succès. Enfin, du succès. Ah, est-ce que c'était bon à chaque fois, quoi. De vente, après, du succès critique, ça, c'est autre chose. Voilà. Je suis vraiment curieux de savoir quelle va être un peu la suite de la carrière de Donny Cates, parce qu'il se diversifie pas mal, il touche beaucoup de persos, il fait beaucoup d'histoires différentes, il fait des persos plus sérieux, moins sérieux, des groupes, vu qu'il fait maintenant les Gardiens de la Galaxie, etc. Non, c'est franchement, ça donne envie de voir pour la suite, quoi. Et du coup, je vois Dragnir, coucou Dragnir, qui est sur le chat, qui nous dit, après, c'est pas le meilleur taf de Cates. Alors, clairement, mais du coup, j'ai envie de poser la question. C'est indéniable. Spider-Man, je connais ta réponse, mais j'ai envie que tu m'en parles. C'est quoi pour toi? Je sais ce que tu vas me demander. Le meilleur taf de Kate chez Marvel. Chez Marvel. Ah, Venom. Ah, Venom. Venom. Bah, chez Marvel, je l'ai connu avec Venom. Et, ouais, la grosse, grosse, grosse claque. Quoi. Et la façon qu'il a de raccrocher les wagons avec le run de Jason Aaron sur Thor, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est très subtil. Le mec, il réutilise la mythologie qu'Aaron a mis en place. Puis il va loin quoi, dans la construction, reconstruction des origines et du mythe du symbiote et du peuple des symbiotes. Ouais. Et ça lui donne encore plus de valeur, du coup, au run de Aaron. Enfin, moi, voilà. Le fait que ce soit récupéré. Et toi, comme moi, on en a chié, mais on a réussi à le lire un petit peu en VO. Qu'un comme on l'a lu en VO et contre, bon. Comme moi voilà, on n'a pas cédé au soft cover de Panini et on attend l'hypothétique mais qui arrivera à un moment ou un autre Deluxe, voilà, on espère qu'à parce que dans le soft cover à part la série là Spider Gaiden, t'as d'autres séries Venom mais bon non, alors tu dis Venom ouais Venom ouais, tu dis Venom ouais. Ah, attends, alors gros débat. Alors là, arrêtez-vous. Ouais. Est-ce que vous dites Venom ou Venom? Quel est votre style? Moi, j'ai envie de savoir. Moi, c'est Venom. Venom. Ça va pas ou quoi? Venom. Il y a un O, c'est Venom. C'est Venom. Putain, alors les Lorrains, hein, on les connaît. Tu vois, ça fait pas 18 minutes qu'on a commencé déjà, ça y est, quoi. On y est. Venom. Et c'est moi je vous conseille sincèrement d'éviter le soft cover, ce sera toujours 7,50 d'économiser tous les mois et puis d'attendre le deluxe hein, parce que c'est vraiment ça vaut vraiment vraiment le coup. Je vois Ludo Verdos qui nous dit je lis très peu de Marvel récent, du coup j'hésite à me lancer. Ah écoute copain, j'ai envie de te dire, je te conseille Immortal Hulk, mais bon, on va dire que j'en fais trop. Mais non, Immortal Hulk, évidemment, c'est du très très récent, hein, c'est actuel, et je te conseille vraiment de te le procurer, de le lire. Et Venom, aussi, hein, tu peux y aller sans aucun souci. Je pense que c'est quelque chose qui forcément peut te plaire, voilà, très sincèrement. Il demandait aussi si la série était accessible, si on n'était pas à jour dans la continuité. Venom. Ah, pour le Cosmic Ghost Rider. Ah oui. Ah oui, à l'aise. Après, à mon avis, ce serait vraiment dommage et pour le coup, ça passerait pas bien de lire le Cosmic Ghost Rider si vous ne lisez pas Thanos Wins. Thanos Wins, donc ça sort le 3 juillet, ce sera le volume 2. Il y a un volume 1 qui est sorti, mais qui n'a rien à voir, qui est totalement indépendant du truc. Vous pouvez très bien éviter le tome 1 qui, entre nous, soit dit. Le début est sympa, mais la fin n'est pas ouf. Et vous concentrez simplement sur le tome 2 qui sera pour vous comme une espèce de petit one-shot. Et alors là, Thanos Wins... C'est une sorte de what if, en fait. Hein, je le surconseille. Même sans Thanos Wins, tu peux comprendre, ça reste assez accessible quand même. Tu pars du postulat de départ que c'est... Que cette personne, c'est le Ghost Rider. C'est plus que t'as pas d'origine entre guillemets, mais en soi, ça reste compréhensible quoi. Tu peux quand même pas dérangeant. Les comics, tu profites complètement de l'histoire quand même. Tu peux, mais tu vas passer à côté d'un truc qui est vraiment génial. Ouais, mais c'est comme quand tu lis Grant Morrison. Hein. T'as pas lu les trucs tu comprends rien. C'est comme quand tu fais l'amour. T'es pas obligé de faire les préliminaires, mais tu vas passer à côté d'un truc qui est génial. C'est pareil. Non, mais c'est vrai, c'est grave-le, je sais, mais là, au moins, l'image, tu vois, tout le monde a compris. Là, tu vois, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais tout le monde a bien compris. C'est, les préliminaires, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, hein, quand même. Et Thanos Wins, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Thanos Wins, c'est à lire en priorité. Hein. Ouais, c'est clair. Clairement. Vous voyez, là, juste ici, là, hop, il y a des petits deluxe. Il a sa place. Le 3 juillet, il est là, c'est sûr, je le mets dans ma bibliothèque. Il est beaucoup. Mais tu es faible. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette première chronique ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la seconde? Pas du tout, à part si le chat a des questions particulières sur le Cosmic Ghost Rider ou même sur Donny Gates ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vois Maxime qui dit le souci d'arrêter le soft cover, c'est le retard librairie de Panini. C'est vrai. ça, mais, mais par contre, bah, c'est comme ça que moi je me fais souvent avoir à titre personnel. C'est que le Thanos Wins, je l'ai chopé dans les soft covers et j'en suis très content. Mais maintenant, j'ai envie de l'avoir dans un format, parce que c'est vraiment une histoire que j'ai appréciée, et j'ai envie de l'avoir dans un format un petit peu plus luxueux, un petit peu plus sympa, qui reste, qui fait joli dans la bibliothèque. Et du coup, je vais certainement me séparer de mes soft covers, et puis à la fin, bah, j'aurais perdu quand même 2-3 ronds, hein, dans la bataille. 26 euros, ils font un effort quand même. Je sais pas s'il y a beaucoup de pages. Hein. Ouais, mais ça, ils s'en foutent, hein, Panini, de toute façon. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Hein, oui. Le dernier flèche noire, là, le Deluxe, hein, c'est un mini Deluxe. Hein. Il n'est pas très épais non plus. Hein. Voilà, je vois Volucian qui nous dit Thanos Wins égale le préliminaire du comics, tu sais vendre. Oui. C'est vrai. Efficace. Voilà, bon, on a passé quoi ? On a passé une vingtaine de minutes sur le Cosmic Ghost Rider, et puis on a fait un petit peu le tour de Donny Cates. Sinon aussi, du côté de Panini, il y a le Doctor Strange par Donny Cates qui sort. Il y a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 il est sorti également avec Damnation. Alors je ne me suis pas procuré le tome 2, mais j'ai un petit peu avancé dans Damnation. C'est pas trop mon truc pour le coup. C'est pas trop Damnation, mon truc. J'ai pas encore lu. Ouais. J'ai lu le tome 1, Doctor Strange par Donny Cates, c'est ouais. Doctor Strange Legacy, c'est ça, je pense. Ouais, ouais c'est ça, ouais. J'ai ouais. bien aimé. J'ai pas encore lu, ouais, j'avais bien aimé aussi. Mais j'ai avec pas Loki. Lu. Je sais pas si ouais. tu l'as lu, Dramoon. Ouais, mais c'est pas. Enfin, moi, c'était pas mon kiff, donc. Ouais. Moi, j'ai déjà du mal avec le. Enfin, le personnage m'a jamais. Jamais transcendé, donc. Bah... Doctor Strange ouais, moi non plus. C'est pas trop mon truc. On mais... fait pas un, on fait pas un top des comics, on va pas classer Doctor Strange. Je te vois venir là sur ta gauche. Ouais, j'étais déjà chaud là. J'étais déjà chaud. Et donc, ah, les gars, Doctor Strange numéro 1, donc Batman, au revoir. Non, ça, ce sera pour une prochaine fois. Ah, Maxime qui nous demande qu'est-ce que vous pensez de la gamme Icons. Il y a pas mal de critiques, mais perso, j'aime bien le rapport quantité-prix. Et bah, ça dépend de quel numéro. En fait, les icons, de manière générale, le rapport quantité-prix, ça fait partie du... C'est le meilleur rapport quantité-prix chez Panini, je trouve. Après, ce qui est souvent... Ça dépend sur quel volume. Ouais, il y en a certains. Hein? C'est Punisher de Aaron, je crois, qui est non, bah, c'est le Avenger Forever et le icon sur Corben. Ouais, ouais. Mais ouais, lui aussi, il est petit. Hein. Il est petit. De manière générale... Oh, il est tellement petit, je m'en sers pour caler ma table. Mais en termes de papier, en fait, ce qui est souvent décrié en fait, sur ce format-là, c'est la qualité du papier. Quoi. Ouais. La qualité d'édition, en fait. Tout simplement, en termes de côté éditorial, de contenu éditorial, il n'y a pas grand-chose. Et la qualité du papier n'est pas forcément au rendez-vous. Et en termes d'édition sur l'ouvrage n'est pas forcément tout le temps qualitatif. Quoi. Donc, bah, c'est décrié, en fait, mais c'est... La qualité du papier, je trouve que ça va sur des vieux récits. Tu vois les New Mutants, par exemple, ouais. Moi, je ne l'ai pas pris, mais je sais que tous ceux qui l'ont pris, je trouve que justement, ce papier-là, avec les couleurs de l'époque, ça rend super bien, c'est parfait, etc. Quoi. Mais tu prends sur des récits récents, ou même, par exemple, moi, je pense sur les Punisher, ou même le Captain America de Brubaker, tu as quand même ce côté où le papier ne rend pas hommage aux couleurs. Et ça fait un côté, des fois, un côté un peu délavé, malheureusement, qui est un peu frustrant, je trouve. Donc, sur le plus vieux récit, l'époque où les couleurs étaient beaucoup plus pâles, moins vives, ça rend passe. Un peu... Moi, j'avais offert les Ultimates en Icons à mon neveu, et, parce qu'il voulait que je lui prête des livres, mais il était malade. Il n'y a pas un livre qui sort chez moi, je t'en achète un si tu veux, mais... tu prends ta carte de bibliothèque et puis voilà. Non, je déconne. Mais je lui avais offert les Ultimates et c'est vrai que la qualité des couleurs était quand même moins bien qu'en Deluxe, quoi. Sincèrement, c'était quand même pas top. C'est vrai, mais le papier, moi, avec les Icons, il me dérange pas. Franchement. C'est pas. Enfin, il m'a jamais dérangé, mais le pourquoi le format est si souvent décrié, c'est souvent un des points pardon, qui reste. Comment dire qui reste mis en avant. Après, quand Panini ne fait pas de nimp et qu'il reste vraiment dans la quantité de chapitres et de pages habituelles, c'est quand même un sacré rapport qualité-prix. Pour 36 ah oui, euros, tu as quand même des sacrés pavés. Mais c'est, après, c'était dans, comment dire, dans les icons, c'est dans le même format que, comment dire, t'es dans le même format que les intégrales de Urban. Et ce qui manque, c'est que des fois, tu en as des très gros qui vont être des formats que tu peux avoir chez Urban, comme par exemple Sandman, où tu as quasiment plus de 500, voire 600 pages en fonction des tomes de Sandman. Donc, en termes de quantité prix, tu es au top. Et par contre, Urban a aussi ce côté où des fois, tu as des intégrales, je crois, 100 Bullets, ou même les Fables, etc., qui sont à 28 euros. Mmh. Où là, souvent, aux alentours, tu peux varier entre 250, voire 400, 500 pages, parce que les prix tueurs, ils font 128 euros et ils dépassent les 500 pages. Alors que les icons, quand ils sont plus fins, comme les Avengers Forever, en fait, ils n'ont pas du coup ce prix qui va être à 28, 29, 30 euros. En fait. C'est ça qui est frustrant chez Panini. Si on a certains qui sont à 36, qui les valent amplement, comme chez Urban, qui sont à 35, qui les méritent amplement. Ouais, mais bien il y a sûr. Pas l'équivalent du 28 de Urban qu'on a en intégrale, bah, ils ne l'ont pas en icons. En fait. Et c'est peut-être ça qui est dommage. Bah, y a des... Par contre, il y a Dragnir qui fait une remarque intéressante, qui dit que le meilleur rapport quantité-qualité-prix, ça reste Bliss. C'est vrai que Bliss, pendant un moment, c'était le cas. Maintenant, je ne suis pas sûr, en fait. Après, qu'est-ce que... Enfin, Dragnir, c'était encore sur le chat. Je suis curieux de ta réponse. Qu'est-ce que tu entends par qualité? Est-ce que tu t'entends la qualité du récit ou tu entends la qualité d'édition de Bliss? Parce que... La qualité d'édition de Bliss, franchement, que ce soit des gros pavés ou la qualité d'édition, elle est là. Sincèrement, c'est Bliss, je leur reconnais ça. Il y a vraiment une qualité d'édition, moi je trouve bien supérieure déjà à Urban, clairement, et sur pas mal de trucs, effectivement aussi à Panini. Les gros pavés Harbinger, tout ça, putain, ça valait le coup, quoi, vraiment. Le truc, c'est que sur le quantité-prix, complètement, qualité d'édition en termes de contenu éditorial, ils sont au même niveau. Par contre, je sais que sur l'ouvrage, tous mes gros pavés Bliss, la reliure, elle se casse la gueule, quoi. Elle ne tient pas du tout, elle n'est pas solide. Putain, bah moi, non. Alors qu'à côté de ça, pour moi, en termes d'ouvrage, au final, ceux qui sont le plus au point, ça va être, ceux qui peuvent être sur des gros volumes, ça va être Glénat, où tous leurs gros omnibus, que ce soit Odyssée qui est sorti, Joyrad, etc., sont très solides. Et les gros omnibus, je pense notamment à la trilogie de Warren Ellis chez iComics. iComics a aussi une très bonne reliure, quoi, une reliure qui est assez solide. Toi, les gros pavés Bliss, la reliure, elle pète ? Ah, moi, ils se cassent tous la gueule. Hein. Moi, je les ai plus en droit dans ma bibliothèque, ils sont tous couchés. Hein. Mais parce que tu te bats, mec. J'ai des Urban que j'ai depuis le départ, qui font partie des premières éditions d'Urban et machin, qui sont encore impec. Hein. Putain. Moi, j'ai des Urban, ils tirent un peu la gueule. Hein. Genre, j'avais acheté le Superman Unchained en noir et blanc. Putain, j'ai peur de l'ouvrir. Hein. Moi, j'ai un paquet d'Urban qui, après une lecture, hein, qui sont partis. Ça fait flipper. Les intégrales Green Lantern par Geoff Johns, ils ont changé la reliure à partir du tome 3, si je ne te dis pas de conneries. Ils ont un petit peu amélioré le truc, mais tu prends les premiers et deuxièmes tomes, les premières éditions. Waouh, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Enfin, là, je crois qu'on s'écarte un petit peu. Ouais. Parce que, alors, vous inquiétez pas, hein, je pense qu'on va faire beaucoup de podcasts comme ça. Donc, à un moment ou à un autre, on va faire les procès, hein, des différents éditeurs. Et de toute façon, tous les éditeurs ont tous des points positifs et des points négatifs. Parce que c'est quelque chose qu'on trouvera partout. Chez tous les éditeurs, certains ne font pas les mêmes formats, ils ne font pas des ouvrages avec autant de pages, donc on peut pas vraiment comparer, mais on pourra toujours trouver des points positifs et des points négatifs chez tous les éditeurs en même temps. Et oui, c'est aussi bien sûr, mais il faut en plus. Hein. Ça montre que chacun peut s'améliorer et faire encore mieux aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Comme tu vois, là, la dernière annonce que j'ai vue passer il y a 24 ou 48 heures, je ne sais plus, la saga du clone qui est enfin rééditée chez Panini, bah, c'est cool. Voilà, en plus en omnibus, pas en icons, donc c'est une bonne nouvelle. Ça permettra de mettre un peu la douille à tous les spéculateurs qui se... Mes condoléances, le mec il a acheté 700 balles sur eBay. Ouais, non, mais voilà. Mais ouais, mais... C'est le premier omnibus que Panini réédite, hein, de mémoire. Ils n'ont jamais réédité un omnibus. Hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, c'est historique, messieurs. Je trouve qu'ils ont changé un peu leur. On part encore sur autre chose. Je trouve qu'ils ont changé un peu leur politique en matière d'omnibus. Il y en a un petit peu plus. Là, ils en sortent maintenant au mois de juillet. Avant, c'était qu'au mois d'octobre, novembre. C'est en train un petit peu, peut-être, d'en sortir un peu plus. Mais c'est un budget à chaque fois. Hein. C'est 70 balles la bête. Hein. Donc ouais. Là, c'est pareil, hein. faut que la qualité du récit soit vraiment majeure pour que moi j'aille mettre 70 balles là-dedans. Il faut qu'elle soit plus que majeure et la quantité aussi. Hein. Parce que si c'est un bon récit mais qu'il y a 400 pages, c'est sans moi. Hein. C'est juste pas jouable. Hein. La saga du clown, je trouve pas ça. Ouais, mais moi, c'est mon enfance. Oui, voilà. Et voilà, et c'est l'arrivée de Scarlet Spider. Voilà, c'est des trucs que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Il y a Samy qui demande en combien de volumes. Il y aura 2 volumes. Voilà. Alors, je sais pas combien on est là, du coup, mais je vois plein de gens. C'est super cool. Merci. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions, etc. Ouais, bien sûr. Faites-vous plaisir. Et je crois qu'on peut passer. Alors, on va peut-être vous paumer un peu, là, les amoureux des comics, là, si on passe tout de suite à la deuxième chronique. Mais c'est un peu le but de ce podcast, hein, c'est l'éclectisme. Hein, on va essayer. Voilà. J'ai failli vous parler d'un manga ce soir. Hein. J'ai failli, mais je ne l'ai pas fait parce que Spider-Matt va vous parler d'un manga et moi, je garde le manga dont je vais vous parler pour la prochaine rubrique. Et Spider-Matt, tu vas nous parler d'un manga qui fait plus que date, qui est absolument magnifique et qui est connu de tous. Un manga à l'eau de rose, j'ai envie de dire, avec beaucoup de passion, beaucoup d'érotisme, ouais. Un peu de pudeur également. Tu vas nous parler de Berserk. Exactement, de Berserk. Berserk, donc, un manga de dark fantasy. Donc, c'est de Kentaro Miura, bien sûr. C'est un manga de dark fantasy, mais qui se déroule dans un cadre narratif médiéval fantastique. Ouais. Juste une fois, on va se mettre d'accord tout de suite. C'est-à-dire que quand on va parler manga et qu'on va dire des noms japonais, il faut le dire comme les japonais. Ça vient de là, tu vois. Ça vient du ventre. C'est pas Kentaro Miura, c'est Kentaro Miura. Faut qu'on y croit. Excuse-moi, je te coupe pour dire de la merde, mais c'est ma fâcheuse habitude. C'est pas grave. Bon, donc. Kentaro Miura, non, de la Dark Fantasy. Donc, de la Dark Fantasy, mais qui se déroule dans un cadre narratif médiéval fantastique. Et tu m'as dit, mon cher Jay, mais qu'est-ce que le médiéval fantastique ? Mais qu'est-ce que le médiéval fantastique ? Voilà, merci. Donc déjà, le médiéval. Donc le médiéval, donc le personnage principal, donc Guts, qui est un peu le héros de l'histoire et sa bande, ce sont des mercenaires. Il y a des châteaux, des rois, des inquisiteurs, des papes un peu fous, des religions, ça se bat à l'arme blanche, à l'épée, à la hache, bouclier, il y a des chevaux. Un peu, si vous connaissez Game of Thrones, vous ne serez pas dépaysé. Ouais. Ensuite, le fantastique. Fantastique, parce qu'il y a de la magie qui apparaît dedans, il y a un bestiaire merveilleux, comme des fées, des trolls, des spectres, etc. Ça, c'est vraiment, surtout au début de l'histoire. Et intervient la Dark Fantasy, qui est un sous-genre de la fantasy, où il y a une ambiance assez sombre, oppressante, souvent proche de l'apocalypse, un ton violent, des scènes d'horreur, ce genre d'ambiance. Avec des menaces démesurées, et souvent le bien laisse la place au mal, genre Conan, The Witcher, ou le manga Claymore. Ça, tout ça, c'est la Dark Fantasy. Donc ça va dérouler là-dedans. Et donc, on suit donc Guts, qui naît d'une mère pendue à un arbre. Donc ça pose tout de suite le décor, hein, quand même. Et il tombe dead comme d'un fruit mûr. Hein. Ouais, voilà, une grosse groseille bien juteuse. Donc c'est un signe, un mauvais présage, en fait, dans cet univers. Ah, ça. Même chez nous, je pense que ce serait, voilà. Voilà, et il est récupéré et élevé par une troupe de mercenaires. Plus tard, dans cette troupe de mercenaires, s'est passé quelque chose. Il a choqué Dramoun, visiblement, le petit Guts se fera violer par un seul. Voilà. Donc Dramoun, si tu veux en parler, ça va l'air. En fait, c'est pas de moi, à l'époque, j'ai commencé Berserk, j'avais 12-13 ans. Donc du coup, quand tu tombes sur la scène, surtout que le regard du coup du mec. La scène est très bien amenée, etc. Mais du coup, quand tu as 12-13 ans, c'est marquant, forcément. Pas du tout. On se moque pas de toi. Pas du tout. Non, mais il faut reconnaître que c'est une scène qui te met dans l'ambiance, hein, quand même, hein, tout de suite. Hein. C'est-à-dire que c'est une scène de pédophilie. De viol, c'est horrible. Quoi. On parle d'événements qui arrivent dans les 3 premiers tomes, quoi, à peu près. Enfin, 3-4 premiers tomes. 3-4, aujourd'hui on a 42 sorties. Voilà quoi, mais ça pose, c'est vrai que ça pose bien le décor pour la suite quoi. C'est ça. Bon, voilà, il faut pas s'attendre à des bisounours et à des papillons. Non. Voilà. Bon, plus tard donc il arrive à il se passe quelques événements, il s'échappe, pendant des années c'est une sorte de loup solitaire. Mais ça on le voit pas vraiment. Et il rencontre Griffith qui est aussi un mercenaire et à la tête de la troupe du Faucon. Donc, Griffith qui est aussi un peu une aura angélique, c'est le mec ambitieux mais très respecté par ses soldats. Et durant un duel, il va se retrouver un peu sous les ordres de Griffith. Bon, et petit à petit, ben il va au sein de cette troupe se faire des amis, trouver un but pour un temps et voilà, rencontrer de nouveaux camarades. Et tout ça, en fait, tout cet arc jusqu'à un événement majeur qui s'appelle l'éclipse, je n'en dirai pas plus, qui est l'un des passages dans les mangas tout confondu qui m'a le plus choqué, je pense. Tout cet arc s'appelle l'âge d'or et ça dure 86 chapitres. Si vous n'êtes pas trop lecteur, vous pouvez regarder les trois OAV qui sont sortis, trois dessins animés qui reprennent cet arc et qui sont très très bien faits. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, hein, messieurs, quelques remarques? En fait, je vois, il y a mon pote Jérémy qui est là. Coucou mon lapin, ça fait bizarre de te voir là, c'est un collègue du boulot. je vois Dragnir qui dit c'est un peu de trash pour du trash quand même. Et je sais pas comment dire ça. Moi, je suis pas le fan ultime hein, de Berserk. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes dans beaucoup de passages de différents arcs dans cette série. Et moi, j'ai un petit peu décroché après l'âge d'or. Pas tout de suite après, mais une fois que l'éclipse s'est passée, effectivement, moi, j'ai un petit peu décroché. J'ai trouvé que c'est un petit peu long. Et là, tu vois, j'ai acheté les derniers tomes. Mais je crois que ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas relu, tu vois, du Berserk. Mais là, pour revenir sur ce que disait Dragnir, moi, je trouve que... c'est pas du trash pour du trash. Je trouve que c'est du trash qui est justifié parce que ça permet véritablement de caractériser le personnage de Guts. C'est-à-dire que c'est le mec, dès le premier volume, d'entrée de jeu, tu connais pas sa vie, tu connais pas son passé, tu sais pas pourquoi il est là, tu sais pas pourquoi il va affronter cette espèce de châtelain d'un royaume qui a l'air vraiment maléfique aussi, mais tu sens que ce mec, il est damné, il a pas d'âme, il a un cœur de pierre, il est d'une noirceur sans nom. Comment peut-il être de cette noirceur? Surtout à partir de l'éclipse. Hein. Ouais, voilà. Jusqu'à l'éclipse, c'est vraiment du médiéval en fait, tu vois. Et en fait, tu vois, toutes ces étapes hyper crades, hyper trash de sa vie qui expliquent en fait comment la construction de ce personnage et comment il peut avoir cette noirceur d'âme. Et comment à un moment donné dans sa vie, il a cru avoir une petite once de lumière, une petite once d'espoir et qui a été annihilée de la plus sale des manières. Et c'est cet événement qui est fondateur à mon sens du caractère du personnage. Donc c'est ignoble, c'est trash, c'est dégueulasse, c'est tout ce que vous voulez, et c'est clair, il y a des trucs qui sont, ça secoue véritablement, mais c'est pas inutile. Et de tous les personnages confondus que j'ai pu lire, BD, comics, manga, que tu veux, c'est le mec, il est d'une noirceur et il est implacable, pour moi, ce personnage, il est unique. Et à la fois, il est autant implacable, et à la fois, tu as l'impression qu'il ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait quand même une petite lueur d'espoir qui apparaisse. Et voilà. Berserk, ça reste un manga au moment où je trouve absolument génial. Et tout à l'heure, tu vois, on parlait de Griffith, qui est un petit peu, je sais pas si le terme est approprié, mais c'est un peu la némésis de Guts. Est-ce que tu savais, j'ai vu ça tout à l'heure sur Wikipédia, que le graphisme de ce personnage, il avait été inspiré par Lady Oscar. Alors, les plus vieux d'entre nous se rappelleront certainement de ce dessin animé, et sans déconner, maintenant que je te l'ai dit, c'est pas flagrant. Putain, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ajouterais que, en fait, donc sa némésis avec Griffith, en fait, dans la vraie vie de Kentaro Miura, en fait, c'était son meilleur ami. Et l'évolution des deux personnages, en fait, ça ressemble à leur amitié, en fait. C'est-à-dire que Griffith était dans la lumière au début, Guts c'était un peu, pas son sous-fifre, mais voilà, il n'avait pas vraiment son propre rêve à lui, et en fait ça s'est inversé au cours de l'histoire. Et en fait c'est ce qui s'est arrivé dans la vie de l'auteur en fait. Et oui, donc jusqu'à cette éclipse, donc ce moment qui marquera à jamais Guts, c'est surtout du médiéval en fait. Il y a quelques touches fantastiques, mais on n'est pas encore vraiment dans la dark fantasy, je trouve. Et ensuite, ils vont vraiment aller dans la surenchère. Même quand on voit l'évolution de Guts, par exemple, même tout con, juste son épée. Son épée au début, ouais, c'est une grosse épée. Ensuite, le mec, il a une épée tellement énorme. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle, là. Profondeuse de dragon, je crois. Ouais, le mec, quand même, à un moment, je crois. Ouais, à un moment, le mec, quand même, il dit qu'il s'en sert comme plaque de cuisson, des fois. Donc, tu vois déjà la gueule de l'épée, quoi. Tu vois. Et tout ce côté évolution est vachement bien retranscrit. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme tu disais, c'est que voilà, il avait, avec ses troupes, il avait une famille, il avait plus ou moins un but, et il arrive ce qui arrive, et ensuite c'est vraiment la descente aux enfers, et on est très loin de l'esprit, comme dans Fairy Tail par exemple, où l'amitié résout tout, parce que déjà si t'es ami avec Guts, il y a de grandes chances que tu crèves dans une mort bien dégueulasse, hein, on va pas se cacher, et donc on est plutôt dans, voilà, l'amitié c'est au final tout ce qui pouvait le raccrocher un peu à la vie, et au bout d'un moment, il va devoir faire sans. Et aussi, j'ajouterais que le gros plus de ce manga, c'est les dessins. Les dessins, les scènes de bataille, les niveaux de détail, et tout ce qui est monstre, mais avec des traits humains. Ouais. Qui rend le truc super dérangeant, malsain. Et comme dans un manga, il y a beaucoup de combats, tenté vraiment de feuilleter vite les pages. Ouais, des fois, je me dis non, je reviens derrière, et ne serait-ce que pour rendre hommage au taf du mec, je regarde les détails et je m'attarde un peu sur le truc. Les dessins de Kentaro Miura sont vraiment absolument magnifiques. Surtout que le style, il évolue quand même dans le temps. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. La première pré-publication, donc c'était dans un magazine, hein, si je dis pas de conneries, c'était en 89, tu te rends compte? Putain, comme c'est vieux. 89, ça fait, c'est incroyable, quoi, ça fait 30 ans, c'est presque 40 ans, quoi, que le truc, il existe, et on en est, je crois que le tome 40 sort en France, je sais pas si il est sorti ou voilà. Il est sorti. Bon, bah, va falloir que j'y aille, quoi. Et je rajouterais aussi, ça, il faut quand même avoir lu le manga, quand même, presque dans son entièreté, pour aller voir les vidéos. Donc il y a la chaîne de Paul qui avait fait une vidéo sur Kentaro Miura, donc l'auteur, qui est vraiment superbe, et la chaîne Alt236 aussi, qui a fait toute une vidéo qui dure plus d'une demi-heure, mais qui décortique l'œuvre. Et en fait, le mec, il te montre quand même, il y a des tableaux, des tableaux d'artistes, voilà, de notre monde à nous, hein, qui ont été vraiment intégrés à sa manière dans le manga. Et le mec, en fait, il a joué avec plein de petits détails, et c'est super intéressant ces deux vidéos, mais il faut quand même avoir lu le manga, sinon vous allez vous faire spoiler comme des pas. Mais je vois qu'il y a Cake Air qui nous dit, qui nous parle justement de cette vidéo de Alt 236. D'ailleurs, j'en profite parce qu'après, je vais oublier, je vais la noter parce que je vais aller la voir. Il y a Ludo Verdos qui nous conseille aussi une vidéo de Paul, que je ne connais pas du tout, qui parle de l'auteur de Berserk et ce rapport avec son meilleur ami, justement. Donc, eh ben, ça peut être super aussi intéressant pour en apprendre un petit peu plus. On a Jérémy qui nous dit « La lumière n'est pas forcément le bien vu la tournure du manga. » Certes. Certes, mais le côté sombre reste quand même bien dégueulasse. Ouais, mais c'est vraiment le lion, quoi. Il y a du, y a du faux, ouais. Blanc, du noir. Enfin, c'est... Au final, tu te sens tout petit en fait quand tu lis ce manga, parce que tu te dis... Plusieurs fois, je me suis dit dans le manga, quand je lisais le manga, putain, j'aimerais pas vivre là-dedans. Parce que oui, bah non, les humains sont écrasés vraiment entre toutes les puissances divines, maléfiques. Et vraiment, tu te sens mais, tout petit et tu te dis, putain, les pauvres, quoi, ils galèrent dans cet univers. Et donc, pour toi, tu m'as dit tout à l'heure que tout manga confondu, pour toi, c'était les meilleurs dessins. Enfin, les dessins de Kentaro Miura, c'est vraiment tes préférés. Ouais, c'est vraiment les plus travaillés, les plus impactants. Et pour toi, Dramon? Ah, clairement. Il y a un niveau de détail. Et en plus, le style, tu vois qu'il évolue au cours des tomes, au fil des tomes. En même temps, il faut voir que le mec, il sortait des tomes régulièrement. Maintenant, si tu en as un par an, tu es content, quoi. Donc, il prend clairement son temps. Mais t'as un niveau de détail sur les scènes de bataille. Si tu checkes les lances, des fois, tu peux te retrouver, t'as pas deux fois la même lance ou les conneries comme ça, quoi. Enfin, c'est des trucs. Non, il y a vraiment. T'as un niveau de dessin qui est vraiment. Qui est vraiment fou, quoi. Moi, je suis totalement d'accord. Le travail de Kentaro Miura est vraiment totalement génial, mais c'est pas mon dessinateur préféré en termes de manga. Moi, celui qui m'a mis la plus grosse claque de toute ma vie en termes de manga, de dessin pur, bah, même pas que de dessin d'ailleurs, c'est mon manga préféré, c'est Gun. Hein. J'ai mangé le nom de l'auteur. Yukito Kishiro, putain, je suis pas bon. Et alors là, les scènes du motorball, là, pour moi, on était vraiment, j'étais tout en haut, quoi. Mais ça n'enlève rien au talent de Kentaro Miura, qui est vraiment incroyable. Il fait des planches, mais qui sont totalement dingues, ça, véritablement. Et tu vois, tu as un truc, moi, ça m'y avait fait penser, tu vois. Mais la scène, on va dire, de l'éclipse, il y a quelques passages. Mais ça va peut-être un tout petit peu spoiler, mais c'est du mini-spoil, c'est que dalle. Vas-y. Il me fait penser au travail de Franquin dans Les Idées Noires. Je sais pas s'il faudra que je te montre les planches, mais il y a un moment donné où, en fait, si tu veux, dans les. Tu connais Les Idées Noires de Franquin ? Ouais. Et c'est que du noir et blanc, et il y a beaucoup, beaucoup de pessimisme. Il raconte des trucs des fois drôles, hein, toujours. Franquin est un génie, un jour il faudra qu'on en parle. Et il y a une case en fait où il représente un personnage, et ça fait vraiment penser à l'éclipse. Et il est entouré d'un bestiaire. Et ça, la ressemblance entre les deux, j'ai trouvé ça hallucinant. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas, mais je te montrerai et j'ai trouvé ça totalement hallucinant. Mais c'est vrai que c'est cette scène de l'éclipse, même visuellement, narrativement, c'est un truc de fou. Et en fait, tu as vraiment 86 chapitres pour arriver à ça. Et c'est vraiment un gros truc de malade, quoi. Et c'est vrai que L'âge d'or, pour moi, c'était vraiment mon arc préféré avec, avec l'apocalypse. Ça t'arrive vraiment, là, c'est l'apothéose. Mm. Après, c'est bon. Même là, dernièrement, c'est plutôt bon, mais pour moi, on n'atteint pas ce niveau. Pour moi, le climax, il est passé, en fait. C'est-à-dire qu'après l'éclipse, voilà, ça y est, on y est. L'histoire, on la reprend, grosso modo, là où on l'avait laissé. Il y a pas mal de tomes avant, et j'ai trouvé que la transition, elle était un petit peu plus difficile. Je l'ai trouvé très très inspiré au moment de l'âge d'or. Moi, il y a des scènes de bataille médiévale qui m'ont vraiment scotché, où il y avait un petit peu de stratégie, il y avait vraiment des trucs que je trouvais totalement génial, que j'ai retrouvé un petit peu, tu vois, dans Kingdom, dont on parlera la prochaine fois, beaucoup plus grand pour le coup, et j'avais vraiment adoré ce passage. Et là, ouais, je te dis, aux alentours des tomes 30, 31, 32, c'est pas que c'est pas bon, c'est loin de là, mais c'est juste que je me suis un petit peu lassé. Alors, je pense que ça fait des passades, hein. Comme tu le précises, c'est vrai que en fait, les trois premiers tomes et demi, tu vois, Guts tel qu'il est après l'âge d'or en fait. Où il est blessé, il a une marque sur le cou. Voilà. Et à partir de la moitié du tome 3, là, en fait, t'as sa genèse et t'as vraiment tout l'arc, l'âge d'or. Ensuite, comme tu dis, à la fin de cet âge-là, tu rattrapes le début. Ouais, t'as rattrapé tout le passé et tu comprends pourquoi. Voilà, tu comprends. Il est comme il est, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on t'introduit, aussi directement dès le premier tome, on t'introduit un perso qui est puissant, tu vois ce que je veux dire, qui est puissant, un peu antipathique, froid, etc. Mais on t'introduit direct un perso qui est complètement badass et qui est comme ça, contrairement à avoir beaucoup de mangas et de shonen qui vont, par exemple, qui vont complètement se construire avec le mec qui évolue, après t'as un peu son passé, mais qui est encore en train d'évoluer. Non, Guts, tu récupères genre direct, le mec, il est fort, il est pas là pour déconner, il est pas là pour rigoler, il a son but, il est là pour buter tout le monde. Et direct, tu es présenté à ce personnage-là qui donne tout de suite le ton du récit aussi. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la construction, c'est que je suis d'accord qu'après, tu as la jeunesse pendant très longtemps, mais tout de suite, on t'introduit un mec qui est puissant. On ne t'introduit pas un mec qui est en train de progresser, qui est en train de battre ses vieux démons, ceci, ça. Non, on t'introduit un mec qui est tout de suite badass, quoi. Et c'est ça aussi qui diffère, je trouve. C'est ça qui marche bien aussi. Et après, est-ce que au final, la baisse de rythme, elle n'est pas aussi due au rythme de publication aussi? Aujourd'hui, t'as, pour tous les mangas mainstream, t'as un chapitre qui sort par semaine, t'as un nouveau tome tous les 3-4 mois. Berserk, si t'as un tome par an, t'es content. Tu vois? Donc c'est-à-dire à chaque fois aussi. Après, ça dépend vraiment des arcs, en fait. Parce qu'après l'âge d'or, je sais qu'à un moment, t'as un arc aussi avec une sorte de pape fou, un peu comme ça, je dirais pas plus. Et c'est beaucoup axé religion, et je sais que pendant l'arc là, je m'étais un peu fait chier quand même, tu vois. Mais après, ça reprend, donc. Mais on n'atteint jamais, enfin, je trouve qu'on n'atteint jamais le niveau de l'âge d'or. Non, pour l'instant, non, on n'y est pas. Il y a deux questions que je voulais relever. Il y a Jérémy qui dit, et du coup, au niveau du dessin, que pensez-vous du nouvel animé, plus proche du manga, à mon sens? Alors, moi, je ne regarde pas les animés de Berserk. D'ailleurs, je regarde finalement que très peu d'animés. Je ne sais pas si vous avez regardé, les mecs. Non, moi j'ai jamais regardé l'âge d'or. Je sais qu'il y avait une série qui était sortie il y a très longtemps. Ils l'ont refaite. Et c'était tellement mal fait qu'il y avait certaines scènes, c'était devenu des mèmes, apparemment sur Internet. Et ouais. En fait, ils avaient pris genre des. Ils avaient mixé un peu crayonné, animé, CGI. Enfin, c'était un peu bizarre quoi, comme truc. Et là, au final, vraiment, en tout dernier, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Moi, les seuls que j'ai vus, c'est les trois à l'âge d'or. D'accord. Ouais, non, moi j'ai pas du tout regardé les dessins animés, quoi. Je préfère largement les bouquins. Et il y avait Franck G qui nous demandait ce qu'on pensait de Hokuto no Ken. Bon, je pense que ça sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique, un de ces quatre matins. Parce que moi j'ai été élevé avec ça, hein, avec le Club Dorothée, au couteau de cuisine, au couteau à pain. Mon Dieu, c'était une belle époque où quand t'avais 9 ans, on pouvait te mettre devant un dessin animé où t'avais des têtes qui explosaient. La vie, quoi, putain. Hokuto no Ken, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ken le survivant, on est d'accord. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est bien ça. C'est non, ça. Mais après, c'est pas différemment parce que c'est pareil, c'est quand même c'est quelque chose qui est diffusé depuis X années et même moi qui suis plus jeune que vous, j'ai quand même grandi avec. Donc, c'est quand même... Ça reste marquant parce que j'ai le sentiment que toutes les personnes de notre génération ont pu le découvrir. Donc forcément, quand tu as des œuvres qui se parlent, quand tu as des œuvres comme ça qui te parlent quand tu es un peu jeune, forcément, ça aide aussi dans ton appréciation, quoi. Ça joue, c'est la petite Madeleine de Proust, parfois. Il y a une très belle Perfect Edition qui était ressortie il y a quelques temps. Je note aussi le message de Kaker quand on parlait des dessins. Elle a souligné les dessins de Blame, et c'est vrai que les dessins de Blame, ça envoie, sincèrement, ça envoie du pâté. Alors, c'est drôle parce que du coup, j'ai passé aujourd'hui 3 heures à harceler Spider-Man pour qu'il achète le premier tome de Blame. Je lui ai dit achète-le comme ça pendant 3 heures sur 1484 messages. Et du coup, je trouve ça bien que Kaker le fasse ressortir parce que c'est vrai qu'en termes de dessin, Blame, c'est une frappe, ça casse les rétines aussi, c'est très très sympa. Et moi je connais tellement bien Blame que quand il m'a demandé si j'avais lu Blame, je lui ai dit Blade, le film avec Wesley Snipes, le vampire. Non, donc je ne connais pas Blame du tout, je ne sais toujours pas ce que c'est, il faudra que je regarde à l'occasion. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter sur Berserk. Non. Lisez Berserk, ça me paraît quand même très très important. Au moins jusqu'au sabbat. En fait, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit comment ça se fait que je l'ai pas découvert avant. Ouais, et quand Dramoun a commencé à le lire, il s'est dit mais j'ai quand même que 12 ans. Et il a perdu son innocence à ce moment-là. Mais non, mais c'est vrai que c'est comme on disait, c'est assez fou, c'est une œuvre qui est super sombre. En termes de dessin, c'est peut-être là où c'est fort aussi, c'est que tout est sombre. Et les mangas qui jouent qu'au final sur les nuances de blanc et noir, au final, te dire qu'il arrive à donner autant de profondeur dans les dessins, autant de détails, autant de relief dans les dessins, alors qu'au final, il joue que sur du blanc et du noir avec aucune autre couleur, aucun dégradé, entre guillemets. moi, ça renforce aussi la prouesse artistique du titre, parce que le titre a très peu de lumière, comme on dit. Donc au final, c'est aussi ça qui renforce, qui fait dans la partie graphique, quoi. Très bien. Ouais. Eh ben, écoute, si vous êtes d'accord, on va peut-être pouvoir passer à la dernière chronique, et puis après on passera au débat. Ça marche. Si ça vous va. Alors, c'est donc mon cher Dramoun qui va nous parler d'un auteur, bon, on peut se le dire très tranquillement, que tu affectionnes grandement, je crois même que c'est ton auteur préféré, que tu as eu la chance d'interviewer il y a quelques mois maintenant. Donc, c'est une interview qui est disponible sur lescomics.fr. Alors, je n'ai pas le lien là tout de suite sur moi, mais pour ceux qui écouteront ce podcast en rediffusion, je mettrai le lien en description de la vidéo, si vous permettra d'aller checker l'interview de Dramoun sur lescomics.fr. Et donc, et ben, tu vas nous parler donc évidemment de Terry Moore et d'un comics que tu m'as conseillé. Il y avait également Sonia de Comics Have the Power et des GG Comics qu'on embrasse, qui me l'avait conseillé, et du coup tu m'as contraint à l'acheter, à le lire. Tu vas nous parler de Motor Girl par Terry Moore. Et oui, parce que je suis, comme tu as dit, je suis un très grand fan de Terry Moore. Terry Moore, c'est du coup un auteur américain qui est scénariste et dessinateur, qui a monté sa propre maison d'édition pour éditer ses œuvres, pour avoir les pleins pouvoirs sur tout ce qu'il fait, tout simplement, et puis après la question d'argent, etc. Et c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière, quand Delcourt a décidé de republier en fait tous ses travaux sous forme d'intégrale. Donc ils ont sorti son œuvre majeure qui s'appelle Stranger in Paradise dans trois grosses intégrales bien épaisses qui valent leur pesant de cacahuètes. Echo, qui est une œuvre science-fiction. Stranger in Paradise, c'est décrit en fait, c'est présenté un peu comme un soap opéra, comme ils appellent ça. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus tendu que ça. Au final, ça parle un peu d'espionnage, ça parle un peu d'histoire d'amour, ça parle un peu de trahison. Il y a plein de choses, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes abordés. Mmh. C'est super complet. C'est aussi pour ça qu'il a été maintes et maintes fois primé et reconnu. Et Motor Girl, c'était son dernier bébé. Et Motor Girl, ça parle tout simplement du PTSD. Donc, qui est le syndrome de stress post-traumatique, parce que dans cette œuvre, en fait, on va suivre Samantha, qui est une ancienne soldate envoyée en Irak et qui est revenue de la guerre et qui souffre justement de ce fameux stress. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que sur un sujet qui est quand même assez grave, qui est assez sensible, qui est assez délicat, et bien en fait Terry Moore, il t'apporte ça avec toute la finesse qu'il a dans son écriture, c'est-à-dire une très très bonne écriture au niveau des expressions, des sentiments, des relations. Tout est très bien amené. Il amène ça avec un côté complètement loufoque. Donc elle est accompagnée d'un singe imaginaire à qui elle parle. On va avoir d'un coup une soucoupe volante qui arrive en fait avec deux petits martiens, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ce problème du coup du PTSD, du stress post-traumatique, eh ben, il est amené avec énormément de légèreté, énormément de douceur, énormément de finesse et de subtilité. Et c'est bluffant. C'est un bluffant de maîtrise, c'est un bluffant d'écriture, de rythme. Et c'est réellement bon. Il tombe jamais en fait dans un discours qui est alarmiste, qui cherche la pitié ou quoi que ce soit. C'est pas du tout. C'est presque, on va dire, un discours c'est une ode à la vie entre guillemets pour ces personnages qui sortent d'un enfer et qui peuvent retrouver le paradis, on va dire. Et c'est bluffant, quoi. Moi, c'est une œuvre qui m'a complètement chamboulé. Et c'est limite frustrant parce qu'en fait, on avance, on s'attache au personnage et puis la fin, après, elle est amenée avec énorme délicatesse et douceur, mais on a envie de plus, on a envie d'être avec eux. Et c'est jamais larmoyant ou quoi que ce soit. C'est toujours très bien amené. Donc, c'était l'un de mes gros, gros coups de cœur de l'année dernière. Parce qu'il est sorti du coup il y a un an, quelque chose comme ça, mai-juin 2018. Et j'y repense très très régulièrement. Parce que c'est une œuvre, sincèrement, c'est une œuvre que je trouve marquante. Et je me permettrais de faire un petit parallèle. Parce que Kecker qui demande en combien de tomes, c'est un seul tome. Il y a tout qui est combiné dedans. Je fais un petit parallèle avec PTSD qui est sorti chez Ankama en début d'année, qui fait partie aussi des, je pense, des meilleures lectures de ce début d'année. Sous le label 619, hein, géré par Run, écrit par Guillaume Saint-Gelin, et qui, pareil, du coup, traite le même problème, hein, de ce syndrome post-traumatique. Et en fait, il l'amène d'une manière complètement différente de Motor Girl. Vraiment, c'est amené d'une manière. Il n'y a rien en commun. Et c'est pareil, c'est traité d'une superbe manière, très très fin de la part de Guillaume Saint-Gelin. Je recommande aussi l'œuvre du coup éditée chez Ankama parce que c'est une vision complètement différente et qui fait du bien aussi, qui inspire du positif, etc. Et qui fait du bien au cœur. Voilà. Et c'est écrit par Terry Moore. Ça marche moins. Ouais, ça marche. Il a pas compris. Je tente, hein. Je tente. ouais, et que rajouter de plus? Du coup, ouais, ce que je disais, c'est toi qui me l'as conseillé avec Sonia. Je sais pas si mon pote Jérémy est encore là, mais je l'ai lu un soir de travail où nous travaillons la nuit et où j'avais du coup un peu de temps devant moi et je l'ai littéralement dévoré. Voilà, je sais pas, je suis pas du tout certain que vous ayez vraiment une bonne qualité si je vous montre des pages comme ça, mais je vais quand même le tenter. Vous voyez, c'est en noir et blanc, c'est fin, c'est voilà. Ouais, Au-delà tous les du dessins dessin. sont toujours en noir et blanc. Ouais. Je dis. Moi, c'est le premier et pour l'instant le seul Terry Moore, tu vois, que je me suis procuré. Déjà, je tiens à noter très belle édition de Delcourt. Voilà, franchement, couverture souple, mais c'est très sympa. Le prix, je me rappelle plus du tout, par contre. Il est un peu moins de 20 euros, je crois. Il est aux alentours des. Mais moi, il est peut-être à 18 ou 19, je crois, Ouh, je de sais pas si mémoire. c'était un peu plus, j'en sais rien, mais Je sais que voilà. c'est un tome unique, il y a 12 chapitres de Ouais. mémoire, et ça se lit tout seul. Mais c'est à Je vais lire. checker. C'est vraiment à lire. Parce que comme tu l'as dit, notamment bon, dans les comics, c'est ce genre de choses, mais c'est souvent qu'en fait, on a des auteurs, des scénaristes qui vont nous faire passer une idée, un principe, voilà, une idée dans leur scénario. Ils vont un peu nous l'enfoncer dans la gorge. Tu vois, ça va un petit peu y aller souvent au forceps. Et lui, en quelques épisodes, eh ben, il fait passer énormément d'idées, énormément de principes, énormément de beauté, mais tout le temps, comme tu le disais si bien, avec énormément de finesse. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et tout au long, en fait, de ce récit, on avance dans cette histoire qui est finalement sur plusieurs niveaux. Et je défie quiconque qui va lire ce bouquin de ne pas, alors je dis pas de pleurer, hein, mais de ne pas avoir un petit peu le Petit cœur pincement au serré à la cœur. fin. C'est obligé. Voilà. Mais c'est obligatoire. Parce que c'est, mais voilà, c'est jamais, à aucun moment, c'est exagéré, à aucun moment, il y a un petit côté, il y a pas de côté exhibition, enfin, c'est toujours, il y a des idées, des choses qui sont avancées, des thèmes, durs, très durs, mais toujours avec une grande dignité. Et ouais, moi, je suis resté un long moment après avoir lu ce comic, c'est un long moment songeur, vraiment, et ça faisait longtemps que j'avais. Je crois que j'ai jamais eu un comics, en fait, ni plus ni moins, qui m'a donné ce sentiment-là, cette sensation. C'était très particulier et j'ai vraiment adoré. Et je le conseille 15 fois. Je sais que moi personnellement, quand je l'ai lu, en fait, ça me faisait bizarre parce que j'ai jamais pleuré pour de comics ou quoi que ce soit. Il y a des comics qui te pincent au cœur, etc. Et avant de lire Motor Girl, moi j'avais lu Stranger in Paradise. Et Stranger in Paradise, j'avais lu la première intégrale. Ça se lisait tout seul, j'aimais bien. Il y avait quelques petites longueurs par-ci par-là, mais franchement, ça allait. Et dans la deuxième intégrale, il y avait des moments. J'avais le pincement au cœur, j'avais du mal à tourner la page. J'étais pas bien, je me disais, putain, j'ai pas envie de tourner la page, limite, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie que ça arrive, quoi. Et des fois, c'était pas facile. Et quand j'ai lu Motor Girl, ça m'a fait pareil, ça m'a tellement pris à la fin que le lendemain, j'avais envie de lire un comics, j'ai commencé à lire, j'y arrivais pas, parce que même les deux jours d'après, je n'y arrivais pas parce qu'en fait, quand j'ouvre un truc, je pensais tout le temps en fait à Motor Girl et ça me restait en tête. J'arrivais pas à me sortir ça. Et quand je rouvrais un comic, je repensais à ça et ça me reprenait en fait, ça me reprenait par les sentiments et c'était pas facile quoi. D'accord. Du coup, avant de passer la parole à Spider-Matt, je vois qu'il y a Ludo Verdos qui nous dit « Vous n'avez pas lu Dead Tripper ?» Alors, avec mon accent, toujours « Dead Tripper ?» Alors, si vous n'avez jamais pleuré en lisant un comics, je l'ai noté. Spider-Matt, je vois que tu l'as lu. Oui, Dead Tripper, c'était l'un des preux. Enfin, c'était vraiment dans les tout premiers comics que Urban avait publié, je crois, hein, ça date. Et ça raconte la vie... Enfin, ce qu'aurait pu être la vie du personnage principal, en fait. Genre, dans une histoire, il va se faire shooter par une bagnole à la fleur de l'âge, à la veille de son mariage, tu vois. Dans une autre histoire, il va vivre jusqu'à la fin, jusqu'à 80 ans avec l'amour de sa vie et tout. En fait, tu vois plein de tranches de vie comme ça, différentes du personnage. Et oui, justement, quand Dramoun en parlait, je pensais à ça, justement. Day Tripper, c'est vachement touchant aussi, comme comics. Des Trippers, c'est une œuvre, comment dire, ça a été une œuvre quand même assez majeure, assez reconnue. Mais ce qui est fou, c'est de voir à quel point cette œuvre, elle comptait pour Urban, parce que c'est l'œuvre la plus surprenante, entre guillemets, qui a été choisie dans les éditions 5 ans d'Urban. Parce que dans les 5 ans d'Urban, oui. Il y a Justice League, Batman, Punk Rock Jesus, Watchmen, et il y avait Des Trippers, et c'était un choix assez surprenant à l'époque. Mais quand tu vois l'œuvre. Je trouve que c'était un beau pari que Urban donne une belle édition à une œuvre comme ça et qu'elle est comment dire que les fans puissent avoir une belle édition et que ce soit pas réservé qu'aux super-héros entre guillemets quoi. Ben Day Tripper, j'avais même offert à quelqu'un qui lisait jamais de comics en fait. Ah bah déjà, tu sais pas comment offrir. Ça a l'air vachement bien parti du coup. C'est vrai que toi, à part du Hulk, de toute façon. Allez. C'était facile. Le taclage du jugulaire. Allez. Nous y voilà. Première émission, on est déjà dans les bassesses. Ah bravo. Et par contre, il y a Catapulpe qui nous dit qu'il faut lire le Silver Surfer de Dan Stoll si vous voulez pleurer. Et oui, je confirme aussi, à la fin, j'ai bien failli chialer. C'est vrai. Parce que c'est le Silver Surfer comme on l'a jamais vu, vraiment intimiste. Et en fait, tu as vraiment toutes les menaces qu'il peut y avoir. Ça compte pas en fait. Tu sais que le mec, il est jamais vraiment en danger. Mais tout va tourner entre lui et une fille qu'il rencontre au début du run. Mais c'est là, tu vois, où je me suis fait niquer par Panini. Mais vraiment. Ouais, ouais. Je vous l'explique en deux secondes. C'est-à-dire que, bon, on m'a dit Dan Slott, Silver Surfer, tu peux pas passer à côté, il faut que tu le lises. J'ai dit, allez, c'est parti. Je regarde un petit peu, je vois Silver Surfer, hein, Dan Slott. Je le prends. En ouais. Disant, tiens, c'est en deux tomes, 1 et 2, je prends le 1 et le 2. Eh ben, pas de bol, en fait, t'arrives, t'es au milieu de l'histoire. Parce que avant 1 et 2, il y a eu 1, 2, 3. Et ça, c'est la spécialité de Panini, ça, tu vois. C'est-à-dire que dans la même histoire, s'ils peuvent te coller 4 numéros 1, putain, ils te le font. Hein. Et sauf que quand t'as envie de lire un truc comme ça, et que t'arrives 3-4 ans après, parce que tu peux pas tout acheter d'un coup, malin que tu es, Panini, tu peux pas tout acheter d'un coup, eh ben, tu te retrouves avec plein de numéros 1, et tu sais plus lequel il faut acheter, quel est le début, quel est la fin, et en fait, quand t'es un nouveau lecteur, eh ben, c'est rébarbatif, tu vois, alors que s'ils avaient fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être que dans l'esprit Panini, c'était pas logique sur le moment, mais sur dans le temps, dans la durée, tu vois, tu fais un truc 1, 2, 3, 4, 5, eh ben, je me faisais paniquer. Et je commençais parce par le numéro 1. Pour la toute histoire, ouais. Numéro 1 et j'ai, avec le numéro 1 qui est en fait le numéro 4 finalement, et j'ai rien bité, mais rien. Et je n'ai pas acheté 1, 2, 3. Pour la petite histoire, Dragoon, je n'avais parlé avec G, et il m'a dit « Ouais, c'est bon, je l'ai acheté, machin, mais je comprends rien, c'est bizarre, il se passe ça, il se passe ça. » Et je dis « Non, mais je fais merde, t'as acheté quoi ?» Il me dit « Bah, le numéro 1 !» Je dis, ah ouais, mais est-ce que t'as acheté le bon numéro 1? Et là, on a regardé, et effectivement, il manquait 3 tomes, donc il n'avait rien compris. Ah ouais, du coup, bah, je suis numéro 1 en me disant, je vais finir par raccrocher les wagons. Mais j'ai raccroché rien du tout. Non, tu raccroches que dalle. J'ai raccroché que j'ai dit, eh ben, salut, le Silver Surfer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mort, hein. Et voilà. Donc c'était mon. Et pourtant, ce run vaut vraiment, vraiment le coup. C'est vraiment un run sur le surfeur, c'est exceptionnel. Ah, je veux bien te croire. Si tu trouves le bon numéro 1, petit, achète-le. Tu trouves le bon numéro 1, c'est bon, c'est que du kiff. Après, pour ceux qui lisent de la VO, l'omnibus est facilement trouvable et en plus, a pris complètement attractif. Hein. Ouais, ça va, je viens de m'arracher un œil sur Immortal Hulk, le deuxième sur Venom. L'omnibus, là, j'ai failli craquer. Ouais. Ah non. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on a encore des questions? J'ai jamais pleuré en lisant un comics, mais j'ai été touché deux fois. Par qui? Ah pardon, c'était pas fini. Quand j'ai vu la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man et la mort de Captain Marvel, deux monuments. Ouais, surtout la mort de Captain Marvel. Là, je dois avouer que ça, c'était vraiment, vraiment chaud. Sinon, quand même pas mal de réactions hein, sur Panini et les multiples numéro 1. Ah bah oui, mais bon, après... Mais la palme reste Thor, Jane Foster, qui est dans environ 43 éditions différentes. Le tome 4 qui a annoncé le dernier tome de la série, et en fait c'est pas le dernier tome de la série, c'est pas vrai, c'est des menteurs. Il y a parce que la fin c'est la fin, elle est juste après, tu vois, c'est... enfin bref, je vois Dragnir qui nous dit tu veux chialer avec un comics Superman The Man Who Has Everything de Moore. Je connais pas du tout, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Non. Ah, faites pas les malins, là. Hein. Quand tonton Dragnir, il dit un comics. Ah, vous faites pas les malins. Ça a été édité chez Urban, ça? Je sais pas. Pas du tout. On va attendre que Dragnir nous le dise. Qu'est-ce que vous avez pensé de la trilogie de Shyamalan sur Unbreakable, Split et Glass? Est-ce que vous aimeriez voir une adaptation comics? J'ai juste vu Incassable à l'époque, comme tout le monde, et la suite, je n'ai pas regardé. Du tout. Donc autant te dire. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'Incassable, c'est déjà un hommage aux comics. Donc en fait, pour moi, c'est pas. À mes yeux, ça n'aurait pas vraiment de sens de sortir en comics. Pour moi, ça serait pas adapté. Autant garder comme ça. Le film est un hommage aux comics. Donc autant. Oui. Autant garder sous cette forme. Sinon, tu vas faire un comics d'un film qui est hommage aux comics et ainsi de suite. Après, tu peux toujours voilà. Enrichir l'univers. Mais bon, c'est vrai que tu as raison. Oui, bah, comme si. C'est déjà un hommage. Que... Et Dragnir, vas-y. Autant rester sur cette impression-là et pas trop tirer sur le fil, quoi. Donc Dragnir nous dit que c'est dans les derniers jours de Superman chez Urban. Pas lui. Non, pas lui non plus. Ah mais c'est le. Ah oui, je vois. Oui, mais je l'ai pas lu. Je vois l'histoire, j'ai pas lu. C'est le Alan Moore avec Dave Gibbons. Eh bien, Dragnir, je pense que nous t'inviterons un soir et tu viendras nous parler des derniers jours de Superman. T'es fou, on va passer pour des cons. On s'en fout. Ouais, alors sincèrement, ça m'empêchera pas de dormir. Qu'on soit bien d'accord. On va devoir faire le chat en live, en fait. Ça va être nous le chat. Comment tu veux qu'on se démerde? Dragnir, il va parler, on va aller faire. Attends, tu peux expliquer ça? Attends, tu peux étayer? Attends, tu peux nous parler du truc? On sera foutu, le mec. Il va partir en monologue à répondre à nos questions. qu'est-ce que je voulais dire? Il y a les comics de Fred, mon Fredo, qui nous demande que pensez-vous de Magic Order? Rien. Je ne l'ai pas lu. Il vient de sortir. Ah, tu peux y aller, les comics de Fred. C'est bien. Moi, j'ai envie de te dire méfiance. Faites attention. Bon, ce monsieur Dramoul m'a conseillé l'épée sacrée de Gabriel Rodriguez. Attends. Pour mettre dans le contexte. Non, c'est mort. J'en ai rien du tout. J'ai aimé l'épée sacrée. Et j'ai réalisé qu'en fait, je suis le seul à aimer l'épée sacrée. Ouais. Alors que je pensais qu'il y aurait d'autres gens. Alors qu'en fait, du coup, je suis le seul. Donc, je me sens un peu alone. Alors que non, Magic Order, c'est du bon Mark Millar. Donc, profitez, parce qu'après Magic Order, ça va être Prodigy qui va être édité. Ça, c'est nul. Et après, ça va être Sharky machin. Qui, ça, c'est pas top. Donc profitez de Magic Order. Profitez de ce qu'il y a de bon pour le moment. Quoi. Alors, juste, pendant que j'y pense, parce qu'après, je vais oublier. Dans le top des comics, avec Comics Grincheux, donc il y avait Cerise hein, qui nous avait... ça nous a fait la saison, hein, grosso modo. Et alors, si vous vous rappelez, c'était Le Bazar de John Levert qui est là. Sur le chat, et qui nous avait envoyé Cerise. Donc, mon John, merci. Merci pour ces fous rires mensuels avec Cerise. Mais qu'est-ce que c'était que ce personnage? Si vous ne connaissez pas le top des comics, il y a encore les podcasts qui sont disponibles, vous pouvez y aller. Je pense qu'il y a, il y a quelques tranches de rigolade à nous écouter, nous écarteler autour de Cerise. Un petit message, moi, du coup, pour tous ceux qui font des vidéos, là, qui sont dans le chat, ceux qui font des vidéos sur les personnages de comics, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire je suis Cerise, ouais. Zoom sur comics, les forces de Cerise, enfin, démerdez-vous. La vraie force de Cerise, la vraie force des clafoutis. Une petite vidéo sur Cerise, quoi. Faites-vous plaisir. Je vois Alfie69 qui nous demande c'est quand le prochain top des comics. Il y a encore un épisode qui doit sortir. Il reste un épisode, mais ça prend un peu de temps parce qu'en fait, pour être franc, la personne qu'on a invitée, on l'appréciait vraiment pas du tout, voire pas du tout. Donc ça s'est pas super bien passé. Ouais. Donc le montage prend un peu de temps, puis on a eu d'autres obligations. donc voilà. Il va bientôt sortir et. Comment Bande Morpore, tu le connais le prochain invité? Ouais, je le connais. Ouais, c'est toi. C'est le dernier, du coup. Ça sera le dernier épisode. Putain. Et ce sera le dernier épisode que même. Vous pourrez l'écouter sans souci sur les comics.fr. Et donc, l'invité, ce sera. Voilà, putain, je sais pas si j'avais le droit de le dire, mais je le dis. Ce sera Spider-Man. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on passerait pas. On en est à peu près à 1h15 d'émission. On est bien, là, dis donc. Est-ce qu'on ne passerait pas au débat de la soirée? Le vrai faux débat. Bah, fais un petit roulement de ton tambour et tout. Alors, Jingle, touche, façon beatbox. Allez, c'est parti. La question du mois, elle se tient. Attention, question de merde. Hein. Je tiens tout de suite à vous le dire. La question putaclic par excellence. Mais qui mérite quand même une véritable réflexion, à mon avis. C'était celle-ci. Est-ce que nous ne serions pas, à l'heure actuelle, en train de vivre un nouvel âge d'or des comics? Et je pense qu'on peut en discuter tous ensemble, hein, dans le chat, et puis bon, évidemment, tous les trois. Dragnir, tu m'es bien allé, on passe direct à l'improvisé. Non, on a tous envie de baiser Dragnir, mais ce sera après, ça, et en petit comité. Moi, je trouvais que cette question, elle était intéressante, pas tant en termes de comics purs, en termes de livres, parce que je ne pense pas qu'on soit dans un nouvel âge d'or des comics, loin de là. En revanche, avec l'avènement du MCU, les foules et les foules, les milliers et millions de gens qui se précipitent dans les salles alors qu'ils ne connaissent pas un comics, qu'ils n'ont jamais lu un comics, qu'ils n'ont jamais vu une seule vidéo d'Alcor, ils se jettent dans les cinémas pour aller regarder des films. Je ne pense pas qu'on soit vraiment en train de vivre un nouvel âge d'or des comics, mais est-ce que les comics, finalement, les personnages des comics ne sont pas, eux, rentrés dans un nouvel âge d'or? Et c'est la question que je vous pose, et notamment à Spider-Man, parce que c'était ton idée de débat, ma gueule. Et j'ai envie de te dire, je te passe la parole. Effectivement. Et cette idée de question, entre guillemets, m'a frappé. Je t'avais envoyé un message, je t'en parlais. Et en fait, c'est peut-être con, hein, mais c'est quand je suis sorti de la séance du film Shazam. Et ils ont tellement bien cerné le personnage. Le film était quand même assez axé humour, famille et compagnie. La salle rigolait tellement à certains moments, alors que Shazam, il y a 3 semaines, le grand public, il ne le connaissait pas, quoi. Et là, je me suis dit, mais merde. Et après, je me suis dit, ah, c'est vrai que maintenant, tu as des blagues, tu entends des gens dans des bars dire « je s'appelle Groot » et tout le monde délire. Tout le monde, le claquement de doigts de Thanos, c'est devenu un mème. Et je me dis, voir tout ça en film maintenant, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et comme tu disais, c'est plus au sens large, comics, super-héros, parce qu'au final, je dirais pas qu'on vit un nouvel âge d'or des comics papier. Personnellement, je trouve que niveau qualité, ça galère quand même pas mal. Après, tout ce qui est succès cinématographique, c'est bien, parce que ça peut débloquer des fonds pour lancer de nouvelles séries, de nouveaux artistes. Ça permet aussi d'être utilisé, les comics, comme un laboratoire à idées. Ça peut être pas mal aussi. Mais je me dis que c'est vraiment au sens maintenant les super-héros, c'est cool, quoi. Il y a 20 ans, quand j'étais ado, je voulais lire un comic, il fallait que je me cache. Je me faisais au mieux traiter d'un peu attardé, au pire. Mais toujours. Du gamin. Mais parce qu'on te connaît. Ah, mais à l'époque, tu te baladais avec un t-shirt Batman et une casquette Captain America, les gens te regardaient de travers dans la rue. Hein. Et tu pouvais même pas l'acheter. Enfin, tu voulais l'acheter où ? Il y avait Internet. Tu peux acheter un sticker, à la limite, tu le collais sur ton t-shirt. Et maintenant, c'est classe. Maintenant, c'est classe. T'as pas ton t-shirt Batman, t'es un loser. Ah ouais, non, mais il y en a plein hein, en soirée qui sont là et qui paradent avec des jolis petits t-shirts Batman. Alors, si possible, si vous faites un peu de fitness et de la muscu, le t-shirt Superman, c'est inévitable. C'est du meilleur mot, s'il vous plaît, achetez-en. Voilà, c'est important. Le t-shirt, c'est écrit Goku aussi dessus. Hein, voilà. Mais c'est. Alors, à la fois, je ne sais pas comment dire, tu vois, mais effectivement, comme tu le disais, moi, quand j'étais gamin, j'étais le seul hein, qui lisait des comics hein, et j'ai dû attendre l'avènement d'Internet pour rencontrer des gens qui en fait avaient la même passion que moi, me rendre compte que j'étais tout simplement pas tout seul et qu'on était plein à aimer ce genre de truc, en plus à différentes époques. Parce que les comics, c'est vraiment quelque chose, et notamment Marvel, DC, ça a traversé les âges. Je vois par exemple, bon après c'est pas parce que c'est les plus vieux, mais c'est un peu les plus vieux, mais on prend Florent Bull, Dragnir, qui sont un petit peu plus âgés que nous, ils ont connu d'autres choses. Et par exemple, moi j'ai connu un petit peu les X-Men de Byrne, mais c'était de la relecture, c'était des trucs qui étaient déjà sortis depuis un sacré moment. Eux, ils avaient la chance d'aller tous les mois acheter leur Strange, leur spécial Strange, pour pouvoir lire ces trucs-là. C'était de la folie. Et moi, c'est ce que je disais en fait à la fin d'Avengers Endgame. Le MCU, il est très très loin d'être exempt de tout reproche, loin de là. Enfin, pour moi, j'ai fait le deuil en fait. Et c'était un peu Florent Bull on en avait parlé, qui entre guillemets me l'avait conseillé, mais j'ai fait un peu le deuil de l'image des héros que moi je m'étais forgé dans mon enfance, parce que je ne les retrouverai jamais sur grand écran. J'aurais même du mal en relisant des vieux comics à les retrouver en version papier. Mais du moment où on fait un petit peu abstraction de tout ce qu'on a connu et qu'on prend le MCU comme une espèce de gros bonbon, de gros chamallow qui nous fait plaisir, c'est super cool. Alors je pense pas qu'on soit sur un nouvel âge d'or, mais par contre le truc qui est certain, c'est qu'aujourd'hui les personnages de Marvel, de DC, ils ont dépassé les frontières du média traditionnel que sont les comics. Et avec Avengers Endgame, on a encore passé un cap. Moi, j'ai halluciné de voir les gens qui couraient pour aller dans la salle de cinéma, qui essayaient de passer sous les cordes pour arriver plus vite. Enfin, tu te dis, mais putain, mais on est où, quoi ? Il y a 20 ans, ça ne serait jamais arrivé. Pour autant, est-ce qu'en termes de créativité, de scénario, ce genre de choses, est-ce qu'on a vraiment passé un cap ? Je suis pas sûr. On réutilise du matériel un petit peu qu'il y avait dans les comics, on saupoudre tout ça avec une sauce Marvel, une sauce Disney un petit peu, pour que ce soit le produit le plus grand public possible. Mais pour moi, le véritable espace de créativité, il n'est pas là. Et c'est pas forcément les comics papier. Pour moi, c'est là où il y a ce grand espace de créativité, notamment chez les indépendants. Je pense que c'est là où on n'est pas sur un nouvel âge d'or, loin de là, mais il y a vraiment de très très belles choses encore à découvrir. On est sur un nouvel âge d'or sous une autre forme. C'est-à-dire je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, parce que je suis plutôt d'accord. Si on prend les Big Two, moi j'ai même le sentiment que on a presque régressé. On est dans une problématique où aujourd'hui le comics doit être accessible, doit être lisable, entre guillemets, pour tout nouveau lectorat. Et donc, la profondeur des récits a changé. Je pense qu'aujourd'hui, tu donnes les clés de Batman, qui est quand même l'un des héros qui se vend le plus, à Grant Morrison. Impossible. Le récit va rébuter plus d'un et ça sera complètement à frein. Et je pense qu'on reviendrait sur cette décision. Chose qui n'a jamais été remise en cause dans les années 90-2000. Quoi. Et je pense que sur ce point-là, on a un peu régressé chez les bitous. On est moins, y a moins de culot, on ose moins. Par contre, à côté de ça, on est complètement dans l'avènement d'une émergence d'auteurs qui font de l'indépendant, certains qui viennent des Big Two, on peut notamment citer Hickman et Revender, qui ont lancé complètement leur série, notamment chez Image, etc., et qui rencontrent un réel succès, avec des séries assez, comment dire, assez culottées parfois, et c'est le cas de plein d'autres auteurs, et je pense que on vit un âge d'or, en fait, sous une autre forme et par un média un peu différent par le papier. DC et Marvel ont du mal à se renouveler, ont du mal à proposer quelque chose de nouveau. Même les séries qui sont réellement excellentes, au final, on se rend compte que certaines tirent en longueur parfois, ont du mal à se renouveler. Mais à côté de ça, on a la possibilité maintenant de se rabattre vers des œuvres plus indépendantes, des auteurs qui ont plus de liberté, qui ont une liberté différente que ce que, par exemple, pouvait proposer Vertigo à l'époque. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un titre comme Preacher ne ressortirait jamais chez le Vertigo actuel. Il faudrait que Garth Ennis passe chez un éditeur indépendant qui est le culot de l'éditer. Mais voilà, les auteurs ont quand même une liberté qui est différente que celle de l'époque. Il faut voir que Image a 25 ans d'existence. Les premières séries qui étaient par Jim Lee, etc., elles n'étaient pas aussi culottées que ce qu'on peut avoir chez Image aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que les premiers comics réellement indépendants, ils n'avaient pas le même, comment dire, le même culot qu'aujourd'hui, quoi. Donc ça évolue dans d'autres sens, sans revenir sur tout ce que tu disais sur le cinéma, etc. Parce que là-dessus, je partage ton avis et je vais pas te répéter. Et comme le soulignait Dragnir, voilà, faut pas oublier, c'est vrai, les premiers Superman, les premiers Batman, c'était les années 80, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, Superman a 81 ans et Batman 80 ans, donc... Non, mais je veux dire les films. Ah oui, les films. Les premiers Batman, je crois que c'est quoi? C'est 80... Ouais, on enlève Adam West. Ouais, c'est vrai. Adam West, je crois que c'est quoi? C'est 84, non? Ouais, mais malgré tout aussi, ça a participé au truc. Mais ça a participé, ouais, à démocratiser un petit peu plus la chose. Et à un moment donné, voilà, ils ont fait le pari de créer cet univers étendu, partagé, de signer aussi des acteurs comme ça sur une si longue période. C'est effectivement bien joué. Après, on verra la suite. Moi, je reste. 89 nous dit Verdos pour Batman et 78 Batman pour Superman. Après, ouais. le revers de la médaille aussi sur les comics papier, c'est parce que justement, Diaoul, il nous dit du culot, il y en a avec le Black Label DC. Quel petit smiley malicieux. Et c'est vrai que. Au final, maintenant, les projecteurs sont un peu braqués sur le comics, là où avant tu pouvais faire un peu n'importe quoi. Maintenant, une simple couverture peut foutre la merde dans les médias. Le coup de cœur de Albuquerque qui faisait hommage à Killing Joke, où on voyait le Joker. Voilà, par exemple, voilà. Avec la chemise avec les palmiers, enfin la chemise. Ouais, hawaïenne. Stoppé, ou même on peut même citer, ça me refait penser, c'était les arguments de Matt à l'époque, je crois, du coup, avec la couverture de Batwoman de Manara qui a été enlevée à cause de la position suggestive. Voilà. Mais je veux dire, tu demandes à Manara de faire une couverture, t'attends quoi? C'est ça. Mais du coup, ils ont dit super, on va faire le Black Label, on va donner une liberté artistique, un ton sombre aux éditeurs, aux auteurs. Donc, ils se sont dit, ouais, super, on va y aller. Et ils foutent la quéquette de Batman, et ça y est, c'est la merde, quoi. On l'efface numériquement, et... C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, DC et Marvel ont ce besoin de devoir rester un peu mainstream, de devoir être accessible pour tout le monde, et offenser personne, en fait. Et c'est peut-être... pour moi, c'est peut-être ça, la limite. C'est ça qui est frustrant. Moi, quand je vois... quand je vois les personnages majeurs, je trouve que... On se renouvelle pas, on a du mal à bouleverser les personnages. Je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre le Batman de King parce que vous savez que je l'apprécie pas, mais King est... King est arrivé sur le titre en annonçant fièrement sur les réseaux sociaux qu'il arrivait pour marquer l'histoire du personnage et pour révolutionner le personnage. Sincèrement, au final, le mec, alors il traite un Batman, enfin une relation entre le Batman et Bruce Wayne qui est un peu différente, quoi. Il distingue bien le super-héros de la personne, etc. Ok, c'est intéressant. En même temps, King, toutes ses œuvres parlent de dépression, etc. Donc, Il sait faire le mec à force. Mais ce que je veux dire, c'est que en quoi il a chamboulé l'histoire de Batman? En quoi il a chamboulé le personnage? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait de marquant? Au final, pas grand-chose, rien. On n'ose pas le faire. Quand on prend l'arc The Button, par exemple, il retrouve son père. Alors, je suis désolé, son père, le cliché de « faut que vous y alliez sans moi, je vais retenir le truc ». Non, t'as à dire « non, t'as le temps d'aller avec eux ». Pourquoi il n'a pas eu le culot, par exemple, de faire revenir son père pour vraiment chambouler tout le truc? Que le mec se repose en question, que se remette en question. Il est devenu Batman à la suite de la mort de ses parents. Qu'est-ce que ça ferait qu'au final, il ramène son père dans la ligne temporelle? Il y a son père, ça remet en question toute son idée d'être devenu Batman, par exemple. Il aurait pu. Pourquoi il n'a pas tenté un truc comme ça? Il y avait le truc, l'excuse de je les retiens, ça s'est rendu la merde. Hein. Et voilà, non mais ces choses-là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des possibilités qui pouvaient être faites. Et au final, il n'y a rien qui révolutionne les gros personnages. Il y a des possibilités, il y a des arcs qui peuvent être bons, etc. Il y a des séries qui sont toujours qualitatives, mais en termes de révolution des personnages, d'essayer de chambouler tout ça, eh ben, je trouve que malheureusement, bah, ça ne change pas. Quoi. Pour un mec qui disait vouloir révolutionner le personnage, moi, je ne retrouve rien de marquant dans son run. Quoi. Le personnage, moi, je trouve qu'il représente le plus ça, c'est Spider-Man. En fait. Et Spider-Man, le mec était prof, il était marié, il y a eu One More Day, le mec il a perdu son mariage, il a été retourné habiter chez sa tante, c'est peut-être redevenu un loser, il devient chef d'entreprise à la Tony Stark, et bam, là, qu'est-ce qu'il redevient? Ben, un loser dans son appartement, à galérer, à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et le mec fait que ça, il fait que ça. Et il est coincé, et tu peux rien faire avec ça, tu peux rien faire. C'est pour ça que, bah, tu vois, on en parle suffisamment souvent ensemble, mais que bah, Spider-Man, moi, j'y arrive plus, quoi, parce que je lisais du Spider-Man alors qu'il était, j'avais 15-16 ans, je te dirais une connerie, alors qu'il était à deux doigts d'avoir un gosse, Mary Jane était enceinte, ou elle venait de lui dire qu'elle avait un bébé, enfin, on sortait de la saga du clone, tout ça. La saga du clone. Enfin, voilà, et là, tu regardes, putain, alors déjà, chef d'entreprise, tout ça, je trouvais que ça allait un peu vite, tout ça, puis c'était pas tellement mon truc. Et là, bah, tu vois, maintenant, bah, il a de nouveau 25 ans, enfin, je sais pas, ça tourne en rond, mais après, en même temps, je pense qu'ils essayent d'évacuer d'une certaine manière un public bah, comme nous, et de miser peut-être, toujours en racontant la même chose, sur un public un petit peu plus jeune. On est le passé, nous, qu'est-ce que tu veux, quand on parle de Spider-Man, tout ça, malgré tout. On réussit toujours à avoir des trucs qui sont intéressants et qui réussissent à sortir du lot. Mais je reste convaincu que maintenant, si on veut vraiment avoir des expériences, des découvertes, bah, il faut savoir essayer d'aller taper, tu vois, bah ouais, dans les indés. Mais comme le soulignait si justement Florent Bull, maintenant, et notamment en France, hein, sur notre territoire, c'est un mal pour un bien. Maintenant, l'offre, elle est pléthorique. Tous les mois. C'est impossible de tout lire. Alors évidemment, c'est impossible de tout acheter. Mais voilà, il faut savoir un peu faire le tri. Et ça, bah, effectivement, ce n'est pas nécessairement évident. Et on est obligé de faire des choix. Il y a Catapulpe, je coupe deux secondes, il y a Catapulpe qui faisait une remarque très intéressante, qui disait si Preacher sortait aujourd'hui, il serait censuré à mort. Pour avoir lu Preacher très récemment, je pense que le titre, il ne sort même pas en fait. En fait, tout dépend, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était tout dépend quel éditeur en fait, aurait le courage de le publier. Si un éditeur a les couilles de le faire, il n'y aurait pas de souci en soi. Le truc, c'est il n'y a pas de problème. Hein. Image Comics a quand même sorti certains titres qui étaient très osés, qui étaient trash, qui avaient un discours politique engagé, qui avaient un discours sur la sexualité engagé, etc. Donc voilà, c'est trouvé. Maintenant, la difficulté en fait, pour ces titres-là, ça serait pas le fait d'être censuré ou quoi, ça serait de réussir à être édité dans un premier temps. Ça serait ça le plus dur. Et après, parce que Vertigo, maintenant, c'est devenu l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est surprenant parce que, comment dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une optique de sortir un titre et de ne pas froisser le public. À l'époque, on était dans l'optique de sortir un titre parce qu'on le savait quand même de qualité. Preacher, ça reste quand même un monument dans l'histoire des comics, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une œuvre marquante, c'est une œuvre majeure. Ce que je veux dire, c'est que c'est un titre qualitatif. Et ce titre, il allait forcément rencontrer un public. Il allait forcément rencontrer des détracteurs, des gens qui allaient s'opposer, mais il allait rencontrer un public. Aujourd'hui, tu le ressors, il retrouverait pareil un public qui apprécierait l'œuvre telle qu'elle est écrite et telle qu'elle est de qualité. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un éditeur, il doit faire gaffe à l'avis du lectorat, à l'avis d'une populace, entre guillemets, qui ne représente pas forcément la majorité, faut pas l'oublier, qui ne représente pas forcément que des lecteurs, au détriment de personnes qui pourraient lire un titre qui se révélerait de qualité. Et c'est ça qui est un peu frustrant sur le marché actuel. Il y a les comics de Jérém qui nous dit Sean Murphy, messieurs, la valeur sûre. Mais là, encore une fois, son Batman, ça fait partie d'un monde parallèle. Oui, mais c'est... Il n'y a pas vraiment de prise de risque. C'est des trucs qui me vont. Hein. La continuité, au bout d'un moment, en fait, c'est comment dire, c'est pas que ça n'a ni queue ni tête, mais ça devient très très relou. Quoi. J'ai l'impression de voir ma grand-mère qui regardait Les Feux de l'amour et Santa Barbara. Alors, ouais, ça va trop loin. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, quand il y a des auteurs qui arrivent à s'accaparer un personnage et sur 15, 12... 8 épisodes, enfin peu importe, tu vois, à avoir leur vision du truc et à se faire plaisir. Tu prends un truc comme Old Man Logan, le White Knight de Sean Murphy, enfin voilà, moi c'est des trucs, voilà, j'adhère vraiment, vraiment à ce genre de truc. J'aime. Et ça reste des Elseworlds. Ouais, ouais, mais tu peux pas faire ça dans la continuité, tu vois. J'aime bien, parce que ça joue avec les codes des personnages que j'aime. Et c'est cool, ça, c'est une autre vision, voilà, moi j'aime bien. Mais si tu veux faire ça dans la continuité, tu peux pas, t'es bloqué. Hein. Bah ouais, mais bien sûr que t'es bloqué. Mais, donc le personnage a du mal à évoluer, tu vois. Mais il peut, enfin, c'est limite presque impossible, c'est quasiment sclérosé maintenant pour faire évoluer un truc. Après, je sais pas. Regarde les personnages qui ont évolué récemment. Les personnages qui ont évolué récemment, qui ont réellement eu des œuvres majeures. Moi, je pense par exemple à John Foster qui est évoqué plus haut. Mm. Tous ces personnages-là, maintenant qui arrivent à évoluer, tu te rendras compte qu'ils sont toujours confiés en fait à des auteurs qui sont connus et qui sont talentueux. Quand on prend Aaron maintenant il a certaines clés de chez Marvel, il fait partie maintenant des patrons. Snyder a une certaine liberté dans l'univers DC, on lui donne pas mal de liberté, il peut aussi faire évoluer, il a le droit entre guillemets. Maintenant il faut être un auteur de renom qui a fait ses preuves et qui comment dire, a une certaine légitimité. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Snyder est l'auteur qui fait le plus de ventes aux US, donc forcément, le mec, il a du poids. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, ces mecs-là, il faut avoir une légitimité maintenant, aujourd'hui, pour faire évoluer un personnage. Tu ne peux pas être un auteur lambda et le faire évoluer. Et c'est pas possible. Il faut avoir un background. Quand on prend Aaron chez Marvel, on prend Snyder, ou même je prends Sykman qui va revenir chez Marvel dans 2 mois, en tout cas, ou 1 mois. Mmh. Bah, je pense que Hickman, il peut apporter le changement parce que le mec, il a une légitimité, il a un nom qui est clinquant. Oui, puis il vient en mode sauveur. C'est ça. Il aura le droit de le faire. Lui, il aura le droit, par exemple, de faire évoluer un personnage. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il faut avoir fait tes preuves. Et si demain, Snyder ou même Bendis, du coup, qui est chez DC, veut prendre en main un personnage et tout changer et faire toutes les modifications qu'il veut, ils auront le droit parce que les mecs font tellement de ventes. Parce que qu'en France, qu'on n'aime pas. Ah ouais, mais. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment autant de liberté que ça. À un moment donné, il y a forcément des garde-fous. Tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, mais quand tu vois que Snyder, il peut enchaîner le nombre de mini-séries sur Batman autant qu'il veut, sa dernière mini-série sur Batman. Schneider, t'as l'impression en fait, il doit venir après les heures de bureau. Tout le monde est rentré à 21h, tu vois, et lui, il doit arriver à ce moment-là, il doit écrire ses trucs. C'est pas possible. Il est là où on ne l'attend pas. Il faut voir que Snyder, quand il écrit, ses premiers numéros de Justice League ont été les titres les plus vendus. Son Batman Wolves a été le titre le plus vendu. Les TPB de Metal ont été les TPB les plus vendus. Son TPB 1 de Justice League est le TPB le plus vendu. Le mec, il trust les ventes, c'est affolant. Alors qu'en plus, en France, il est très décrié, il est très critiqué. Le mec trust. Donc au final, je connais pas les ventes en France de Batman Metal, mais en même temps, je vais te dire, j'ai ça, trouvé ça nul à chier, mais j'ai acheté les 3 tomes. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est du coup, forcément, ce mec-là, quand il arrive et qu'il te fait une grande partie de tes ventes. Forcément, quand il va dire les gars, j'ai envie de faire une dernière mini-série sur Batman, tu dis ok. Puis 2 mois après, quand il te fait les gars, j'ai envie de faire une dernière mini-série sur Batman, tu dis encore ok. Puis 3 mois après, quand il te dit je vais faire une dernière mini-série sur Batman, tu dis ok. C'est vrai. C'est quand il a fait, j'ai mangé le nom. Oh là là, quand il a fait All Star Batman, ah là j'ai dit oula. Oh, Schneider, y a un trait de coke qui n'est pas passé. Il y a un truc. Il y a une narine qui a resté bouchée. J'ai trouvé ça, mais nul à chier. Batman, après, ce qui reste assez dommage, c'est encore une fois le revers de la médaille. C'est que oui, maintenant tout le monde connaît Shazam, Aquaman et compagnie, tout ce que tu veux. Mais le revers de la médaille de cette guerre cinématographique, c'est que les Quatre Fantastiques sont tombés dans l'oubli. Ça fait des années qu'on en a parlé. Bon, là, ils vont bientôt revenir. Parce que voilà, il y a eu le rachat de la Fox entre temps et compagnie. Les X-Men, la qualité d'écriture des X-Men sur ces dernières années, c'était effrayant. Pareil, il y a Hickman qui va revenir dessus. Mais dire comme ça, il y a plein de séries qui sont un peu passées à la trappe et de super-héros. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Marvel à un moment? Parce que ben, ils n'avaient pas les X-Men chez Disney et compagnie. Ben, ils ont voulu forcer avec les Inhumains. Ils ont essayé de remplacer X-Men par les Inhumains. On a même eu Inhuman versus X-Men, qui était une purge totale. Ils vont essayer de les passer au chausse-pied. On a même eu une série TV. De quoi ? On a même une série TV, Inhuman. Ah, mais voilà, ils ont même fait une série qui s'est complètement vautrée. Je pense que là, maintenant, les Inhumains dans les comics. Non, moi, je pense que ça méritait un Oscar, hein, un truc. C'était pas mal. Juste, je souligne un truc que dit Flo, et je suis mais totalement d'accord avec lui. Je pense qu'on surestime la liberté des scénaristes sur les comics. En fait, n'oublions pas que les comics, c'est un travail d'équipe, scénariste, dessinateur, éditeur, éditeur en chef, coloriste, etc. Et ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les mecs, tu peux prendre le plus grand des scénaristes du monde, à un moment donné, ils viennent, on leur prête du bout des doigts une marque qui va s'appeler Batman, Spider-Man. Et voilà, les propriétaires pour ce qui est Marvel, c'est chez Disney que ça se joue, il va se détendre. Coco, il peut pas révolutionner tout et son contraire. Et c'est là, en fait, c'est souvent ce qui est triste, parce que justement, ça, je pense que ça bride énormément, en fait, les artistes. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Donny Cates. Parce que j'ai l'impression, alors est-ce qu'il a plus de pouvoir? J'en sais rien. Est-ce que ses idées sont mieux appréciées? Je ne sais pas. Mais ils lui ont confié, tu vois, Venom. Donc, peut quand même t'amuser à faire des petites expériences avec Venom, tu vois. Venom. Excuse-moi. Ouais, mais attends, enfin, Venom, putain, c'est pas Joel Clodo quand même. Bah, Venom, c'est pas vilain. Ouais, ah, c'est pas Spider-Man non plus, tu vois. Ah, bien sûr, mais ça va venir. Moi, j'ai hâte de le voir sur une grosse série, tu vois, parce que ça va finir par arriver. En même temps, je disais pareil, tu vois, pour Aaron. Aaron, alors je sais qu'on n'est pas forcément du même avis. Je continue à acheter les soft covers Avengers, le début du run de Aaron, mais sans déconner. Oh, mais comme c'est con. Oh, mais c'est nul à chier. Oh là, le tome 3, on termine avec Iron Man géant, Hulk géant contre des géants célestes. Oh, mais sérieux. Oh, j'achète les Avengers. Je suis en train de lire les Power Rangers. Je m'en branle. C'est nul. Mais Aaron, je ne peux pas croire que Aaron, c'est lui qui a signé ça. Alors, c'est pareil. La fin de cet arc. La fin de cet arc, t'as raison. C'est plus n'importe quoi. Mais après, tu verras, il y a un arc avec Namor qui est sympa. Mais même le début, il est chiant de cet arc. Alors, juste, je me permets de vous faire aussi une petite parenthèse et qui est valable pour les gens du chat. Vous avez remarqué que c'était notre galop d'essai, notre première rubrique, et quand on a décidé de lancer ce podcast tous les trois, on s'est permis, l'idée c'est à fond sur la digression, on se fait plaisir, on reste pas cantonné, on a un cadre, on essaye de jouer avec et de se faire plaisir. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je vois que ça débat énormément sur le chat, c'est cool, ça débat entre nous, on s'autorise des digressions, on s'en bat les couilles, on est entre nous, on se fait plaisir, voilà. C'est ça un petit peu le but. Mais si on doit recentrer un petit peu le truc, un nouvel âge d'or des comics, pour moi, c'est non. En tout cas, pas sur le média comics actuellement. Je pense que c'est plus complexe que ça et on est très très loin de ça. Par contre, c'est même plus qu'un âge d'argent, c'est un âge de diamant en ce qui concerne le cinéma. Là, je pense que dans 50 ou 60 ans, ce qui s'est passé là depuis 10 ans, on s'en rappellera encore. Un petit peu de la manière comme Star Wars et ce genre de choses. Je pense que ce qui s'est passé fera date dans les années à venir. Et même au niveau des sorties, du nombre de sorties comics, je vois, il y a 10 ans, Panini avait DC Comics, tu avais un Batman qui sortait tous les deux mois. Et maintenant, mon libraire, chaque mercredi, quand elle est sortie Panini, la table des nouveautés, elle dégueule de nouveautés. Il ne sait plus où les mettre. Ouais. Et t'as un choix de fou. Et vraiment, si, même si t'es pas un lecteur de comics, si t'aimes juste déjà un peu lire à la base, il y a forcément un truc qui te plaira, quoi. Mais Que ce soit même dans. c'est même général pour tout, que ce soit BD, comics, manga, etc. Aujourd'hui, là, il y a une surcharge du marché, c'est affolant. Tu regardes les mangas, tu as quasiment trois nouvelles séries qui se lancent chaque mercredi. T'es pas loin d'une quelqu'un. T'as certains mercredis, t'as 40 petits mangas qui sortent, quoi. Un Oui, mercredi, t'as manga, c'est affolant. Ouais. Le public est beaucoup plus grand. Les comics, des fois, tu peux facilement frôler les 20 sorties. C'est énorme. Quand t'as un comics qui coûte un comics, on va dire, au minimum, ça va être 15 balles, quoi. Ah, Un c'est. top, Mais... ça va être 15, 16, 17, ça peut être plus, hein. Je crois que le dernier, le tome 6 des Tortues, je crois que je l'ai payé 15,90. Mais Et c'est je ça, crois que ça fait partie des moins chers. ben, c'est ça. Urban, t'as beaucoup de tu vas avoir beaucoup, notamment dans les indés, tu vas avoir beaucoup de 14,50, 15,50. Ouais. La plupart de leurs tomes, c'est ça pour les séries indés, enfin, avec un format classique. Et des Chez nous, offres t'as découvertes à 10 balles très régulièrement, intéressantes. 20 sorties. Et tu dois facilement tourner à aller à soit entre 50 et 60 sorties par mois de comics, tout éditeur confondu. Le marché, il est saturé aussi. Ça devient instable. Et on parle en France, mais aux États-Unis, c'est le même problème, hein, c'est exactement pareil. Le marché, il est saturé. Il est saturé. Je me permets de vous conseiller une vidéo de Blacky. C'est le présentateur des GG Comics. Il a fait une vidéo, putain, il y a quelques semaines où il regardait le nombre de sorties moyennes à travers le temps, en prenant plusieurs époques, le nombre de sorties et le prix moyen. Et bah, c'est vachement instructif en fait pour voir un petit peu l'évolution du marché sur ces dernières années. Putain, je me rappelle plus le nom de sa chaîne. Je suis désolé. Ah merde, je sais plus. Je le retrouverai. Je vous le mettrai pareil en description de la vidéo. Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Dragnir, si t'es encore là, n'hésite pas à nous le dire. KFC Comics, merci. Ouais. C'est sur KFC Comics. N'hésitez pas à aller le voir. C'est très bien. Voilà. Après, messieurs, je sais pas, est-ce que vous avez encore envie de rajouter quelque chose sur ce débat? Ou est-ce que nous passons à la conclusion alors que Matt fait son entrée sur le chat et nous te saluons. Ô noble retraité au Non, mais front dégarni. comme on disait, c'est vrai que ben, maintenant, tout simplement, c'est cool de voir que voilà, que les super-héros, c'est devenu cool, que les comics, c'est devenu cool. Puis, ça rentre vraiment dans la culture du commun des mortels, j'ai envie de dire. Ouais, car ça, Et là, pour le coup. avec ben, Avengers Endgame là, qui on atteint vraiment le point culminant de ça. Tu vois, un film qui ramasse 1,5 milliard en 3 jours, c'est affolant, quoi. C'est affolant. Et donc ouais, c'est un âge d'or, pas des comics papier, ça c'est sûr, mais en termes de personnages, Comics d'univers, de pop culture, quoi. Alors, juste, tu vois, je sais pas dans quel. Dramoun, je crois que tu n'as pas été voir Endgame. Je me permets, hein, en fin d'émission, quasiment, j'ai un message aussi, parce que moi, quand j'ai été voir Endgame, c'était donc tout de suite le mercredi après-midi, avec des hordes d'adolescents autour de moi. J'étais parmi les plus vieux, alors que j'ai seulement 36 ans. Donc déjà, je vais te dire un truc, ça te met un coup derrière le casque, mais quelque chose de correct. Alors c'est très bien hein, que la culture, comics, tu vois, que les gens kiffent les personnages, tout ça, c'est très bien. Alors maintenant, les petits cons, quand vous allez au cinéma, alors déjà, vous arrêtez de mettre les pieds sur les sièges. Pendant le film, vous coupez votre téléphone portable et puis vous arrêtez de parler à vos copains. Parce que alors putain, moi, c'est pas une séance que j'ai eue. Ah putain, c'était un club. Ouais, j'étais un daron au milieu d'une colonie de vacances, quoi. C'était incroyable. Alors, c'était très bien tous ces petits jeunes, mais putain. J'ai galéré aussi. Déjà pendant les 30 premières minutes, je me serais cru au resto en fait, avec les bruits de bouffe, c'était horrible. Il y Ouais. avait une femme qui téléphonait vers la fin du film, les gosses qui braillaient sur toute une rangée derrière moi, c'était magnifique. Du Et coup, je suis retourné le voir, plus calme. c'est là tu vois aussi que à un moment donné, peut-être t'as le poids des années quand même qui commence à se faire sentir à 36 ans. Ah Parce que j'ai bah remarqué un truc, j'ai fait pipi avant de rentrer, tu vois, dans la séance. oui. 3 heures de film, dur pour la prostate, tu vois. Et ça, avant, ça ne me le faisait pas. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, les plus vieux d'entre nous sur le chat, mais moi, à un moment donné, ma prostate, 3 heures, c'est beau. Attends, ton toucher rectal approche, non ? C'est bientôt c'est là. Pour bientôt, c'est pour bientôt, mais voilà, je ferai une vidéo comment j'ai découvert les proctologues. Certainement. Ouais, les 5 types de prostate, le top 5 de la prostate. Alors, mais comme fin d'émission, pour une première, mec, on ne pouvait pas aller mieux. Bah écoutez, si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut penser à la conclusion. Oui. De ce premier épisode, on est à peu près à 1h50 de live entre nous. On va commencer peut-être à penser à vous libérer. Avant de terminer, on voulait installer un petit peu cette petite tradition. Je voulais faire un petit tour de table et vous demander à la fois vos lectures récentes et puis bah, votre actualité. L'actualité, quelles sont les prochaines reviews que nous pourrons lire de vous sur lescomics.fr. Quelle est votre actu, mes chers amis? Et je me tourne directement vers mon cher Spider-Matt. Alors, qu'est-ce que tu geeks en ce moment? Qu'est-ce que tu lis et puis qu'est-ce que tu nous prépares comme review chez lescomics.fr? Est-ce que même si je ne fais plus partie du collectif, est-ce que j'ai le droit d'avoir quelques petites infos croustillantes? Une exclusivité. J'ai fini cet après-midi de lire Secret Show, édité chez Akileos. C'est tiré d'un roman de Clive Barker et c'est par. Je retrouve juste le nom du scénario. C'est adapté par Chris Ryholm. Et dessiné par Gabriel Rodriguez, donc le dessinateur de Lock and Key, ouais. Qui est ici à son top niveau. Et c'est vraiment une ambiance un peu Lovecraftienne, le bien contre le mal, un peu des enjeux oniriques. C'est super bien fait. C'est en 12 chapitres. Et bah, la review sera bientôt faite sur lescomics.fr. Et sinon, à part ça, j'ai commencé aussi les Judge Dredd à faire classer chez Delirium. Oui, ça, je sais, ça, tu m'en as parlé. Tu as vendu tes Deadpool. Tu as réussi à niquer un gamin qui voulait lire un Deadpool. Tu lui as fourré tous tes Deadpool. Pour la petite histoire, j'ai revendu tous mes Deadpool, environ 80 Deadpool kiosques, pour entre autres m'acheter les affaires classées à Judge Dredd, que je ne regrette absolument pas. Le tome 1, je l'ai déjà chroniqué sur les comics.fr. C'est du très très lourd avec du sous-texte qui est totalement d'actualité encore aujourd'hui. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui en France, il y a un lecteur que tu as niqué avec 80 kiosques de Deadpool. C'est ça que tu es en train de dire. Et après, tous les goûts sont dans la nature. Donc, on en reparle dans quelques années avec ce jeune hurluberlu quand il aura dit les 80 trucs. On va voir s'il va aimer. On va voir. Donc voilà, c'est un peu mon actualité là. Et puis je suis aussi en train de lire The Boys. Très bien. Très bien. Il faudra un jour que je m'y mette aussi si j'arrive à trouver une version pas trop chère. Et toi, mon cher Barmoun, quoi de neuf en ce moment? Qu'est-ce que tu geeks? Je geek pas grand-chose. J'ai joué à Mario Odyssey. Parce que c'est facile, c'est détente. C'est plutôt cinéma. Cinéma, je me fais l'intégralité en fait, des films de Paul Thomas Anderson. Oh, c'est pas une légende, alors t'as vraiment une vie de merde. Ouais, c'est vrai. Et parce que j'adore Paul Thomas Anderson. Et voilà. Je m'étais fait les frères Coen avant. Donc, du coup, voilà, je passe de réalisateur en réalisateur. Mais niveau comics, j'ai lu, en plus, c'est sorti aujourd'hui. J'ai lu Emma Rong, édité chez Akileos. C'est une BD, en fait, c'est une BD italienne qui mélange un peu espionnage, une romance et espionnage. C'est vraiment. C'est la folie et les dessins sont somptueux. Et comme je disais, j'ai lu PTSD de Saint-Gelin et du coup, ça m'a donné envie de me lancer dans son The Grocery avec un bon petit pavé chez Label 619. Voilà, ça m'a donné envie de me pencher sur son travail, donc je pense que ça va monter sur ma pile de lecture parce que je dois lire Kingdom parce que il y a un gars dans ce podcast qui me menace de le lire, je dirais pas qui. Si je peux me permettre, faites attention parce que Dramoun, je le vois un peu partout conseiller de lire l'épée sacrée chez Delcourt. Hein. Faites gaffe, les mecs. Il me l'a conseillé, j'ai acheté comme un gros blaireau. Hein. J'ai encore mal aux fesses. Faites attention. Du coup, je me suis retrouvé. C'est un comics que j'ai aimé et j'ai conseillé. Je pense qu'il aimerait au final. C'est pas Spider-Man qui a pas aimé, c'est je suis le seul à aimer en fait. C'est la France entière. L'humanité est unanime, c'est une merde. Voilà. Faites très attention. Je dis pas, c'est que je lui ai conseillé des bons comics avant, des Extremity, des choses comme ça qu'il a bien aimé, mais ça, il veut pas ah oui, dire. C'est vrai. Extremity, oui. Extremity, c'est très bon, il me l'avait conseillé. Mais voilà. Et sinon, sur le site, je suis content parce qu'on va dire, mon dernier gros travail, c'était une interview de Matt Kint, dont je suis. Donc je suis plutôt fier parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément et que pardon, j'admire le travail. Donc du coup, j'étais plutôt content. Puis j'ai un autre truc sur le feu, mais bon, je ne sais pas du tout si ça va se réaliser. Donc je préfère ne rien dire parce que si ça fait flop, j'aime pas faire une fausse promesse. J'aime pas faire une promesse, quoi. Eh ben c'est bien. Eh ben tu m'en as un petit peu parlé. Je te souhaite vivement que ça ne fasse pas flop pour notre plus grand bonheur à tous. Pour ma part, j'en ai déjà un petit peu parlé. En ce moment, je sais pas que je lis pas trop de comics, mais je suis tombé totalement subjugué, amoureux de ce manga qui est Kingdom. Je l'ai commencé. Je ne dis pas comment je l'ai commencé. Je le dirai parce que j'en parlerai dans le prochain podcast, la rubrique Geek. On en parlera. Ce sera l'objet de ma chronique à ce moment-là, c'est certain. Un manga absolument génial. Je ne veux pas trop en dire pour l'instant, à tel point que j'ai dévoré je ne sais combien de tomes d'un coup, je ne peux pas lâcher cette série, elle est tout simplement monstrueuse. Voilà, c'est mon actualité. Pas de vidéo prévue pour moi pendant pour l'instant et puis à mon avis pendant un petit moment parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop le goût non plus, pour ne rien vous cacher, j'ai plus envie de me consacrer à ce petit podcast, ce petit moment de fraîcheur, de détente avec vous où on partage autour de cette passion de la manière la plus simple et la plus conviviale possible. C'est vraiment ça qui m'anime en ce moment, c'est de faire que ce petit podcast ce soit pas forcément une réussite critique avec énormément de vues et ce genre de choses, mais surtout que tous les trois on passe une bonne soirée et que les gens qui ont le plaisir de nous rejoindre, ils passent un bon moment avec nous et puis qu'on puisse échanger, débattre, apprendre des choses. On n'est pas des spécialistes des comics, on n'est pas des férus d'histoire des comics. Enfin voilà, on est très très loin d'avoir la science infuse. On a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager et on a envie de le faire tous ensemble avec la plus grande simplicité. Messieurs, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Je tiens vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir accepté de faire cette émission avec moi. Ça me fait plus que chaud au cœur. Vraiment, c'était super. Parce que c'était pas forcément évident à monter et à faire. Voilà. Et vous m'avez honoré de votre présence et je sais que vous serez là dans les prochaines, dans les prochains podcasts. Et votre amitié et votre présence m'honore, c'est un très très grand plaisir. Je remercie également toutes les personnes qui ont eu la bienveillance de passer sur le chat, de nous laisser un petit mot et de participer à cette soirée. Messieurs, c'était un grand moment de bonheur et je vous dis merci et à très bientôt. Salut. Merci. Au revoir. Salut. Ciao.